Si toi aussi tu files juste pour rouler les dés, ou si tu préfères jouer des concombres qui explorent leurs sentiments avec un système de cadran solaire où tombent des gouttes d'eau, bienvenue sur les podcasts Outsider. Merci Frédéric pour cette intro. Bienvenue messieurs, mesdames et personnes non binaires. Aujourd'hui, donc un podcast Outsider Game Design Jeu de Rôle avec un invité très spécial, monsieur Frédéric Saintès. Hello. Salut Frédéric, merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce petit appel. Écoute, avec grand plaisir. Voilà, si je peux te présenter succinctement, donc tu es auteur de jeux de rôle, tu as notamment créé Prosopopée, qui est un jeu un peu onirique, comme dans certains animés japonaises tels que Mushishi ou les films de Miyazaki aussi un peu. Tout à fait, avec un fond un peu écologiste. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Tout à fait. Et t'as aussi sorti un jeu qui s'appelle Les Cordes Sensibles, qui est fait pour faire essentiellement, je dirais, du drame contemporain, quoi. Ouais. Oui, alors il n'est pas encore vraiment sorti, mais j'ai longtemps laissé une version à dispo sur mon site. Ah d'accord, il y a plus de version sur le site maintenant. Non, parce que là, du coup, je bosse sur la version définitive. Ok. En PDF, sans doute à prix libre, une version papier. Voilà, donc je ne considérais pas que le jeu était encore fini et vraiment publié, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il était il a été accessible. Voilà, l'HCAN était accessible, quoi. Voilà, exactement. Et puis, récemment, tu as diffusé aussi, tu as publié Démurge, qui est un jeu où on joue des adolescents qui pratiquent l'alchimie. Mais alors, c'est une alchimie qui ressemble beaucoup quand même à des super pouvoirs parce que se fait sans support physique. Et ça renvoie beaucoup à Full Metal Alchemist, il me semble. Exactement. Alors, j'ai repris un certain nombre de pouvoirs qui me semblaient intéressants pour les problématiques qu'ils portaient. C'est-à-dire que l'alchimie dans Full Metal, c'est vraiment un truc qui peut te faire faire des choses assez terribles, quoi. C'est pas juste un pouvoir pour dézinguer la gueule du mec en face. Ce sont des pouvoirs qui posent des questions éthiques. Hein. Voilà, exactement. Ouais, donc c'est vrai que du coup, ça m'a toujours fait un peu penser aussi à X-Men, quoi, mais un X-Men un peu adolescent, quoi, où on pose, ou peut-être des choses comme Smallville, où on se pose la question de. Bah, qu'est-ce que ça fait quand on est ado d'avoir un pouvoir, comment on l'utilise et aussi comment réagit les autres personnes en fait, quelle vie nous font mener les personnes sans pouvoir en fait dans ce monde-là, quoi. Il peut y avoir en effet une part de politique, quoi, c'est-à-dire de comment les personnes qui n'ont pas de pouvoir réagissent au fait que d'autres en aient. Et inversement. Sachant que j'ai quand même fait beaucoup pour éviter de tomber dans le trope du super-héros, plutôt justement dans l'idée que on incarne vraiment des personnages humains et des personnages qui sont un peu aux prises avec leurs propres démons et leurs propres difficultés face à tout ça, quoi. Ouais, puis il me semble que tout ça, ce qui fait la grosse différence, on va dire, avec un jeu de rôle de super-héros classique, c'est que t'as pas vraiment une mission. Enfin, c'est pas comme si le MJ te présentait un ennemi ou un. Enfin, t'es pas là forcément au départ pour sauver la veuve et l'orphelin, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Le but, c'était en effet d'aller chercher des thématiques plus personnelles. Plutôt que de chercher à sauver le monde ou à. C'est ça. Ça peut être des problématiques émergentes, j'imagine, mais c'est pas le cœur du jeu, quoi. Le cœur du jeu, c'est plus centré sur les personnages, quoi. Voilà. Ok. Et si on te fait venir ici, c'est aussi parce que tu depuis déjà un bon moment, tu tiens un blog qui s'appelle Limbic Systems. Ouais. Qui parle en fait de game design de jeux de rôle et de théorie de jeux de rôle, quoi. Voilà. Voilà. Ben, je crois que j'ai ouvert ce blog en 2006 ou 2007. Et donc, à l'époque, j'ai découvert via Silent Drift les théories de The Forge, et donc j'avais envie de développer un peu mes réflexions autour de tout ça, parce que ça m'a fait une bonne révolution, une bonne révolution intellectuelle autour de ce que le jeu de rôle peut être, ou de ce que le jeu de rôle, de ce que je crois, de ce que j'ai découvert que ça pouvait être, quoi. Sachant que c'est toujours en chantier, c'est toujours. Est-ce que, enfin, on découvre toujours de nouvelles formes, de nouvelles pratiques, de nouvelles. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'ai envie de toujours des idées de choses à partager. D'accord, ouais. Ouais. Donc, bon, j'ai jamais caché, je dis assez souvent que ton blog, Limbic Systems, en fait, tu es à la fois dans les synthèses qu'il fait, en fait, entre guillemets, des théories précédentes, et puis dans tes apports un peu plus personnels. Ça m'a énormément influencé, hein, sur mon game design, sur ma vision du jeu de rôle. De même que j'ai très certainement aussi pris mes libertés, et on n'est pas Super bien. forcément, voilà, on n'est pas forcément non plus sur les mêmes game design. Il y a même certains points où, sans être en désaccord franc, je dirais que je suis plus dans le même paradigme. Mais alors, disons que du coup, l'objet de cet entretien, c'était, bah déjà, c'était un peu ma façon de rendre hommage. Et puis, Je du suis coup, d'accord. de te demander, en fait, des précisions sur certains points de détail, hein. Alors, voilà, pour le coup, c'est vraiment du pinaillage sur des petits points de détail, des petites choses un petit peu laissées en flou dans les articles, et que j'avais envie, en fait, qu'on puisse ensemble détailler à l'oral, quoi. Ben, j'aime beaucoup cette approche. Franchement, je pense que ça peut être vraiment enrichissant pour tous les deux et pour nos auditeurs, j'espère. Voilà. On va essayer, quand on pourra, si on arrive sur des termes de jargon, de un petit peu les expliquer, quoi, hein. Néanmoins, je pense quand même que ce podcast-là est particulier dans le sens où, à mon avis, s'adresse à des personnes qui connaissent déjà un petit peu ton travail. Et donc voilà, je suis pas certain que ce soit forcément le plus accessible, de nos podcasts. Même si je pense que ce soit toi ou moi, on essaiera évidemment de remettre un petit peu les choses dans des termes simples et compréhensibles par des personnes qui n'ont pas lu ni tes articles ni les miens. Oui, c'est qu'on peut vite faire emboutir les définitions les unes dans les autres et passer plus de temps à expliquer chaque mot Ouais, c'est ça, ouais. qu'à avancer Donc sur il y le. aura quand même, je pense, effectivement, des moments où du coup on ira un peu vite sur les définitions, quitte à renvoyer. Je pense que je ferai peut-être une petite liste biblio s'il y a besoin. Donc ce sera renvoyé sans doute à quelques articles fondateurs, quoi. Ouais, très bien. Ok, alors du coup, je vais commencer le bombardement, puisque donc on avait préparé ensemble 9 questions. Voilà, je dis bien préparé parce que l'objectif n'était pas du tout de piéger Frédéric. On est là pour approfondir, en fait, et puis un petit peu expliciter certains de tes points, et pas du tout pour les critiquer ou les mettre en défaut, quoi. C'est pas vraiment pas du tout l'objet de ce podcast. Ouais, écoute, ça va très bien comme ça. Enfin, on verra après. Il y a forcément des désaccords, Ça, ouais. on n'est pas. Enfin, ce serait justement moi, ce qui m'effraie le plus, c'est l'homogénéité de la pensée, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ma première question, bah, qui est un peu sur ce thème-là, justement. Donc, je t'avais demandé, dans un article récent, tu as dit que ton travail théorique reflétait surtout tes goûts. Et donc, KF avait fait une sorte d'article-réponse où il disait enfin, ça répondait aussi à d'autres articles, mais en gros, il disait qu'il y avait des paradigmes rôlistes différents, où des attitudes différentes étaient valorisées. Ainsi, la compensation, je te laisserai peut-être redire ce que c'est rapidement, plutôt, je ne vais pas me risquer à définir moi-même. La compensation qui est problématique dans ton paradigme, elle est au contraire plutôt recherchée dans ce que KF appelle le paradigme de la joueuse. Paradigme de la joueuse, grosso modo, c'est une façon de voir le jeu de rôle où clairement c'est la joueuse qui est la responsable principale, je dirais, de la qualité de partie et qui cherche vraiment à driver son expérience. Et donc par conséquent, c'est elle qui voilà, c'est elle qui se, elle, elle se, respecie, elle se responsabilise au niveau de la réussite, de la qualité de la partie. Et donc ça ne veut pas dire qu'elle ne cherche pas à utiliser des bons jeux, mais finalement, si elle estime que le jeu ne répond pas à ses attentes à elle, elle ne va pas hésiter à transgresser les règles du jeu pour atteindre l'expérience qu'elle recherche, quoi. Ouais. Ben déjà, tout d'abord, j'ai trouvé l'article de KF vraiment très chouette, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent nous paraître évidentes, hein, comme en effet cette histoire de paradigme, mais qu'on ne répète jamais assez, et puis surtout, ça le présente sous l'angle vu de son auteur, et c'est très bien comme ça, je trouve. Alors oui, en effet. Alors déjà, si je peux définir la compensation de S'il manière te plaît, oui. simple. Alors, la compensation, c'est pour moi reconnaître l'importance de ce que le groupe, le MJ, ou enfin de ce que chacun apporte dans une partie de jeu de rôle, qui permet de faire fonctionner la partie. Donc, tu vois, c'est d'emblée, c'est pas problématique en fait comme considération. C'est quelque chose. C'est pour dire, voilà, tout le monde apporte beaucoup de lui-même. J'ai même historiquement l'impression que beaucoup de jeux fonctionneraient difficilement si les MJ et les groupes n'apportaient pas eux-mêmes beaucoup de savoir-faire en fait. Et là où, dans mon paradigme à moi, la compensation peut être un peu, elle peut avoir des petits effets pervers, c'est celui de ne pas pouvoir appréhender la proposition d'un jeu spécialisé. Donc, un jeu spécialisé, c'est un jeu qui recentre l'expérience qu'il propose. Ça peut être recentré autour de problématiques, ça peut être recentré autour d'une volonté d'explorer des univers avec un grand partage de narration. Ça peut être voilà. L'idée, c'est d'orienter un peu le jeu pour avoir moins recours à la compensation, parce que la compensation peut aussi avoir comme effet désirable ou indésirable d'homogénéiser un peu les parties. C'est-à-dire, par exemple, quand un groupe joue tout le temps en mode survie avec un MJ cruel qui ne laisse pas passer ce qu'il juge comme la moindre erreur de la part des joueurs, eh ben, si toute leur partie finalement fonctionne comme ça, est-ce que au bout d'un moment, ça peut pas être intéressant d'avoir des moyens d'explorer autre chose? Peut-être qu'ils ne le veulent pas. Dans ce cas, moi, je ne suis personne Bien sûr. pour leur dire de changer leur pratique. Au contraire, si ça leur convient, c'est parfait. C'est très bien comme ça. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer d'autres perspectives, d'autres façons de jouer que celles que j'avais l'habitude de. Et donc, de concevoir mes jeux autour de ces de propositions nouvelles, en quelque sorte. Si, je vois en fait, finalement, il y a un peu dans ce côté-là, c'est que on pourrait dire que le jeu spécialisé, il demande à la joueuse de, bah, je me souviens, c'est ce que tu appelles le lâcher prise, de pour une fois oublier un peu ses habitudes de jeu qui peuvent lui permettre par ailleurs à faire fonctionner des parties alors que ça marcherait pas sans les efforts qu'elles fournissent habituellement. Voilà. Mais dans ce jeu spécialisé, à supposer que le game design soit suffisamment vertueux, cohérent avec l'intention de l'auteuriste, disons que Voilà, le jeu te dit, bon, j'ai essayé de spécialiser l'expérience comme ça, j'ai essayé de bien le faire pour que tu puisses arriver à l'expérience sans avoir à faire des efforts extraordinaires. Et du coup, finalement, en contrepartie, je te demande d'essayer bah, de suivre le jeu comme, vers ce qu'il te propose, plutôt que d'emblée, spontanément, aller vers tes habitudes de jeu habituelles. Voilà. Bien qu'elle puisse être utile par ailleurs sur d'autres parties avec des systèmes plus lâches et ainsi de suite, quoi. Ouais, j'avais pas mal hésité entre deux termes pour le terme que j'opposerais à la compensation. Au départ, j'utilisais le terme de jouer en catalyse. Ça veut dire que les joueurs jouent volontairement pour essayer d'optimiser l'expérience initialement proposée par le jeu. Donc là, il y a une notion quand même d'effort à fournir, quoi. Oui, voilà, mais il faut que cet effort soit bien dirigé. Et après, j'ai choisi lâcher prise pour me dire, bon, ben en fait, l'idée, c'est quand même qu'on est moins dans la compensation. Et je ne sais pas si c'était un choix très heureux, mais en tout cas, je pense que le concept de catalyse me semble, en fin de compte, beaucoup plus c'est que le sur ce que c'est que vraiment suivre la proposition d'un jeu spécialisé. Est-ce que je peux tenter une métaphore à partir de barque et de rame? Oui, je t'en prie. C'est-à-dire que tu as conçu une barque que tu as orientée pour aller vers une direction précise. Et la compensation, en tout cas la compensation qui pose problème, ce serait les joueuses qui rameraient en sens inverse, en fait. Donc elles fournissent des efforts, mais pour détourner le jeu de l'intention initiale, quoi. Le jeu en catalyse, ce serait les joueuses qui rament, donc qui fournissent des efforts supplémentaires, c'est-à-dire que la barque est déjà emportée par le courant, si on veut, mais elles vont quand même ramer pour que ça aille plus vite dans la direction voulue. Donc elles rament dans le bon sens, si on veut. Et puis le jeu en lâcher prise, finalement, elles lâchent leur rame, elles se laissent porter par le courant, quoi. Ouais, c'est vrai que. Alors, je pense que catalyse et lâcher prise, ça fonctionne un peu dans le sens où parfois, quand tu as un joueur qui. C'est sa première partie de jeu de rôle, tu te rends compte que il peut assez facilement accéder à la dynamique. Enfin, comment dire. Il peut vraiment jouer dans la façon dont le jeu est voulu sans se poser de questions. Ouais. Il n'a pas forcément besoin Là où, d'une culture ludique approfondie, quoi. donc, c'est censé, en tout cas, il est censé y avoir, moi, dans ce que je cherche à faire, hein, dans le jeu, des grandes balises ou des grandes directions qui permettent de dire, voilà, même dans Prosopopée, en fait, si on regarde bien, tu vois, tout ce que j'ai écrit dedans au sujet des silences, au sujet de ne pas anticiper sur ce que l'histoire doit être. Des choses comme ça, pour moi, ça fait partie des principes du jeu qui sous-tendent sa proposition et Ouais, qui t'es guidé permettent, quoi. on peut les rappeler pendant la partie pour dire, alors là, je pense que ça fonctionnerait mieux si tu jouais dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est écrit dans le manuel, en fait. On n'est pas uniquement dans une structure de règles dures. On a aussi Oui, parfois des des règles conseils, des molles. principes. Voilà, qui peuvent aider à mieux embrasser le jeu, en fait, Ouais, c'est ça. et à mieux embrasser sa proposition. Ça joue Sur le aussi une coup de la fonction de barque, guide. ouais. Sur le coup de la barque, alors j'aime pas trop l'idée que le jeu ait une orientation précise sous la forme d'une barque, parce que ben on peut pas faire grand-chose à part suivre le courant. Ou, Ouais, oui, je le vois je plutôt vois. comme un faisceau de potentialités. C'est-à-dire qu'un jeu comme un jeu comme Prosopopée est peut-être un peu plus orienté qu'un jeu comme Démiurge. Mais un jeu comme Démiurge a quand même un champ de possibilités qui est assez vaste, en fin de compte. On peut aborder des thèmes, des enjeux, comme quand tu le présentais, on voyait que ça pouvait aussi bien aller par moments dans des... Ben on pourrait jouer de la mission avec, mais tout est fait pour qu'on puisse explorer bien d'autres choses. Donc, en fait, je le verrais plutôt comme des. Ouais, c'est ça, des faisceaux de. Ou des, ouais, des faisceaux de potentialité, quoi, c'est-à-dire un champ dans le, vers lequel le jeu nous oriente. Et Une qui, par direction contre, artistique, peut-être. Alors, je pense que quand même, le jeu est fait aussi pour nous couper d'autres champs, d'autres perspectives, en quelque sorte. Vu que le but, c'est d'en faire un jeu dramatique, et que ce n'est pas du tout la façon dont la plupart des rôlistes jouent, en fait, j'ai une grosse partie de mon boulot sur la conception du jeu, c'était d'essayer justement d'éviter que les joueurs reprennent leurs habitudes, et les MJ aussi. Donc, que je Dans tes puisse articles, tu orienter le parles jeu vers... d'anesthésie, certains enjeux, il me semble. Ouais, voilà. Par exemple, dans le bouquin, j'explique les joueurs doivent choisir un but commun quand on joue en campagne. Ça veut dire quelque chose qu'ils cherchent à accomplir en réaction ou en conséquence à un drame commun qu'ils ont vécu. Par exemple, ça peut être voilà, avoir vu des proches se faire tuer pendant la guerre, des trucs comme ça, quoi. Et donc les joueurs, avant de commencer la campagne, décident leur but commun. Et je précise, attention au but du type découvrir la vérité ou comprendre les secrets du monde, etc. Parce que il crée un déséquilibre. En fait, le jeu donne beaucoup de pouvoir aux joueurs, de pouvoir décisionnel sur comment la campagne va évoluer. Et donc, avec ce type d'enjeu, on redonne tout le pouvoir au MJ. Ouais, je vois. Voilà. Donc, c'est pas grave, franchement, si des groupes le font. Je suis pas non plus hyper obsédé par le fait que tout le monde Mais joue à mon ça jeu comme moi. sortirait de la spécialité de ton jeu un peu, quoi. Exactement, c'est ça. Et j'ai envie de dire, je peux garantir une certaine qualité de partie si on suit bien la proposition que j'ai incluse dans le manuel. Mais à partir du moment où on s'en éloigne trop, hein, je peux plus le faire. Ouais, c'est ça. Donc, si vous n'aimez vraiment pas ce que je propose, mais il y a des choses qui vous intéressent dedans, c'est pas grave, prenez-les, greffez-les à d'autres jeux ou à d'autres univers, etc. Mais si vous suivez l'ensemble, l'expérience qui pourra être produite, parce qu'après, il y a toujours tellement de paramètres sur lesquels on n'a pas prise, hein. Je ne peux pas non plus le garantir à 100%, mais je peux au moins dire que cette expérience-là, c'est celle que j'ai le plus testée, celle pour laquelle j'ai le plus travaillé. Je vous mets dedans toutes les clés pour pouvoir l'obtenir. Et si jamais, voilà, si jamais ce n'est pas votre truc, c'est pas grave. Si jamais, mais si vous la suivez, ça peut vous permettre d'atteindre quelque chose de spécial. Et je sais Alors, plus d'où on partait, mais... bah, en fait, là, grosso modo, on était sur l'article de KF qui disait que pour lui, il y avait des paradigmes, on va dire des façons de penser le jeu de rôle qui étaient différentes. Qui avait notamment ton paradigme. On va dire, donc on parlait de compensation. Enfin, c'est un paradigme justement. La compensation, c'est quelque chose de pas très, pas vraiment recherché, puisqu'on cherchait plutôt des jeux spécialisés. Et en fait, c'est un peu au jeu de faire l'effort de te proposer une expérience qui soit spécialisée avec les bons outils pour y arriver. Et tandis que Félix se plaçait plus dans ce qu'il appelle le paradigme de la joueuse, où en fait, c'est la joueuse qui se fixe ses objectifs, qui se fixe un objectif d'expérience à atteindre. Et en fait, elle va utiliser des jeux, peu importe qu'ils soient, entre guillemets, bien ou mal game designés, elle va les utiliser comme des jouets pour arriver à ses fins, en fait. Oui, c'est très intéressant, je trouve, comme façon de voir ça. Je dirais que oui, c'était par rapport à la question de, enfin, par rapport au fait que j'avais parlé du fait, je vais pas réussir à faire cette phrase. J'avais parlé du fait dans un article que je ne cherchais pas à décrire une réalité brute et scientifique de quel jeu de rôle, mais plutôt de mettre en avant des choses qui m'intéressent, des choses que j'aime, des choses que je trouve importantes Ouais, c'est dans ça. ma pratique du jeu de rôle. Parce que ce qui ne fait pas partie de ma pratique, je n'y ai pas accès de toute façon. Donc j'ai forcément un regard sur le médium jeu de rôle qui est qui est spécifique à mes expériences. Donc tout ce dont je parle, ce sont des. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand je parle du mode auteur, alors c'est un truc que j'ai pas encore développé vraiment sur mon blog, mais j'ai un article en cours. Au départ, en fait, c'est né parce que on a joué pas mal de parties de jeux de rôle indé à une époque avec mes potes quand j'étais à Poitiers. Et il s'est avéré qu'il y a plusieurs jeux qui m'ont fait vraiment un effet de oh là là, qu'est-ce que je m'emmerde, quoi. En fait, pour moi, il y avait un dénominateur commun entre tous ces jeux, c'est qu'ils nous empêchaient de nous mettre, de plaider pour notre personnage, c'est-à-dire de prendre nos décisions majoritairement autour des intérêts du personnage. Donc, les intérêts d'un personnage, c'est un peu compliqué parce que. comment savoir ce qu'il y a dans sa tête, quoi. C'est tout simplement impossible. Donc en fait, parfois il y a des choses qu'on décide à l'avance, comme voilà, mon personnage, il veut sauver la veuve et l'orphelin. Donc là, on saura assez facilement dans chaque situation, conformément à ses intérêts ou pas. Ça peut être aussi une mission, ça peut être de l'altruisme, tu vois, c'est pas des intérêts égoïstes forcément, hein. Et donc en fait, j'ai commencé à aborder cette question du mode auteur pour dire voilà, il y a des jeux en fait qui font tout pour qu'on ne plaide pas pour un personnage. Ça peut être pour des tonnes de raisons. Ça peut être parce que parce que tu as plusieurs personnages. Voilà, ça peut être parce que, comme par exemple Chronicles of Skin, qui est un jeu où on joue un peuple et une armée même. Donc c'est impossible de sentir une connexion avec un seul personnage. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi. parce que le jeu est extrêmement scripté, et donc la liberté du joueur pour influer sur l'histoire est tellement maigre qu'au final, Ouais, t'as juste une liberté d'interprétation, mais pas vraiment une liberté sur le choix d'action de ton personnage ou le potentiel de réussite de ses actions, quoi. Voilà, et notamment d'atteindre ses objectifs, ou défendre ses intérêts, quoi. Donc, En GN, ils appellent ça du fate play. Ça veut dire jouer le destin du personnage, quoi. Et donc c'est vraiment dans l'idée notamment de jouer des scènes prescriptées, quoi. Ah oui, je comprends. En fait, dans certains cas, ça peut vraiment se rapprocher d'une partie de jeu de rôle classique ou participationniste, où le MJ a prévu le destin des personnages. Donc, on est vraiment dans cette notion de destin, je trouve. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Mais j'ai toujours été un joueur qui avait besoin d'empowerment, c'est-à-dire d'avoir une prise sur la résolution des enjeux, des situations, Donc, des même si on objectifs. t'a prédit un destin, ça veut dire que tu dois pouvoir lutter contre si tu le veux, quoi. Ouais, exactement. Suivre le scénario du MJ, ça m'a toujours frustré énormément. Enfin, je me rappelle de parties où j'avais 9 ans parce que mon frangin avait reçu en cadeau l'œil noir et il m'a fait faire des parties quand j'avais 9 ans, quoi. Ou plus tard, quand j'étais ado, et toutes les parties où je me rendais compte qu'il y avait une injustice dans la manière dont je pouvais influer sur les événements parce que le MJ ou le scénario, souvent le scénario, en avait décidé autrement. Ouais, notamment parce Ça que les mettait hors de retombées moi le. des conflits sont scriptées, qu'elles soient positives ou négatives. Le Voilà. MJ a prévu à l'avance que tu allais gagner, ou alors il a prévu à l'avance que tu allais perdre, quoi. Exactement, parce que souvent la scène d'après impliquait que les joueurs aient fait quelque chose avant, ou aient raté quelque chose avant. C'est un truc qu'on entend beaucoup d'ailleurs dans le podcast de la cellule sur la campagne Les Cinq Supplices de l'Appel de Cthulhu, où Adrien, le MJ, a l'air de faire exprès de respecter à la lettre tout ce qu'il y a dans la campagne, et du coup, il se retrouve à faire des choses dans un ordre donné ou La à passer difficulté, d'un ouais. point A à un point B, à un point C, à un point D, parce que tout est prévu comme ça dans la campagne, et que s'ils ne le font pas, ben, le MJ va être emmerdé pour raccrocher les wagons après. Et moi, ça, c'est, j'ai tellement de souvenirs de parties comme ça qui étaient très déplaisantes pour moi que j'ai voilà, tout ce qui m'intéresse aujourd'hui en jeu de rôle, c'est de, au contraire, de libérer un peu de cette, de ces contraintes-là. D'ailleurs, finalement, ouais, je suis en train de. Faut que je fasse gaffe parce que je suis en train de digresser, mais des jeux comme Ten Candles qui te proposent en fait qui te disent par avance que ton personnage va mourir, Ouais. c'est finalement assez proche d'un jeu d'horreur traditionnel. La seule différence, c'est que t'as un jeu où le MJ il a prévu la fin, mais c'est secret. Oui. Il te prévient, enfin, il te dit pas qu'il va tout faire pour que la fin qu'il a décidé arrive. Et un jeu comme Ten Candles, c'est la même chose, sauf que c'est annoncé, en fait, c'est transparent, quoi. Alors Mais oui, alors c'est... finalement, enfin, si j'ai bien compris, pour toi, l'effet est un peu le même, quoi. Ouais. Ten Candles, j'ai pas détesté la partie que j'en ai faite, hein, mais j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose dans le jeu, quoi. Alors l'idée des bougies est excellente, hein, mais voilà, pour moi c'est plus bon. Après, je vais pas trop partir dans le, Dans la je vais pas critique. trop le Ten Candles. Mais ce que tu dis est intéressant. C'est juste sur cette mécanique-là, en fait, pas sur le jeu en global, mais sur cette mécanique de la fin. C'est on annonce aux joueuses dès le départ que leurs personnages vont mourir, quoi. Ouais. Alors ça pourrait être aussi, on annonce dès le départ que les joueurs vont réussir. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une forme de jeu de rôle, à mon avis, qui est assez importante parce que enfin, qui est beaucoup pratiquée, même si pas toujours avouée. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de manières de se questionner par rapport à ça. Alors, typiquement, dans Prosopopée, on ne peut pas ou quasiment pas rater. En fait, le jeu s'arrête en général quand on a résolu tous les problèmes. Alors, il y a des cas de figure où les joueurs ont claqué tous leurs dés, donc donc ça va être galère d'en récupérer suffisamment pour pouvoir résoudre les problèmes. Qu'ils ont mis beaucoup trop de problèmes la fiche, sur le cercle des couleurs, là. Donc, ils seront plus tu mets de problèmes dans Prosopopée et plus leur résolution est vraiment compliquée en fait. C'est pour ça que je conseille d'en mettre trois pour la première partie et aux nuances, donc les sortes de pseudo-MJ du jeu, de réussir, enfin d'essayer de limiter quand ça va trop loin, quand tu commences à y en avoir trop, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au final, on ne sait tellement pas quelle forme l'histoire va prendre, que ce n'est pas très grave qu'on réussisse forcément. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas est-ce qu'on va réussir, mais c'est comment, enfin, déjà, quels vont être les enjeux, comment ils vont évoluer, comment est-ce que, enfin, quel joueur va réussir à vraiment résoudre les plus importants, quelles conséquences enfin, vont se développer autour, etc. Donc en fait, l'histoire est tellement malléable et tellement pas prévue à l'avance que même si on va forcément réussir à la fin, je trouve que c'est pas, on se sent pas trop bridé par cette fin prévue Ouais, il à y a quand même l'avance. plus d'inconnus, plus d'ouverture, quoi. Voilà, que le problème du scénario scripté, c'est que vraiment on est contraint dans nos décisions en tant que joueur par la succession de scènes prévues. Ouais, soit par un script secret, soit par un script transparent, ouais. Voilà. Après, il y a encore des cas de figure différents. Dans le cas de Ten Candles, finalement, on est aussi assez libre dans le développement de la partie. Je pense que c'est pour ça que j'ai plutôt apprécié ma partie, hein, quand même. Ouais, contrairement à un Après. checkpoint game, quoi, c'est ça? Ouais, voilà. Après, tu as le cas de Polaris de Ben Lehman, où tu sais qu'à la fin, tu vas devoir faire un choix entre te sacrifier ou devenir un démon. Et là, il y a un choix au moins. Donc, c'est quand, vu la proposition du jeu, qui pour moi, pour moi, c'est une tragédie ou un drame, Polaris. Donc c'est important qu'à la fin on ait quand même un minimum de choix. Voilà. Et puis après, bien sûr, le scénario scripté, le scénario linéaire, Ouais, voilà. qu'on connaît tous, hein. Voilà, ou bon, là j'ai parlé des checkpoint games, je pense que c'est important que je définisse parce que le terme juste balancé comme ça. Les checkpoint games, c'est des jeux comme Monségur, Perfect ou encore les Sauveurs, où en fait il y a une série de scènes, de chapitres. Voilà, c'est des jeux à chapitres, il y a une série de chapitres qui sont prévus à l'avance par le jeu, quoi. Et donc il va falloir jouer, quoi. Après, il peut y avoir pas mal de gras autour, quoi, mais il y a quand même des gros goulots d'étranglement. Ouais, c'est ça, les points de passage obligés. Voilà, avec éventuellement éventuellement même carrément ces scripts peuvent porter sur des décisions des personnages et tout, donc il peut y avoir aussi des prises de contrôle sur les personnages, quoi. Oui, c'est vrai. Ou sur leur destin, c'est-à-dire que bah là, dans ce chapitre, hein, ton personnage meurt, quoi, et on joue ça. C'est clair. T'as même aussi, enfin, des fois c'est bête, hein, mais c'est juste d'avoir une description d'un bâtiment par la porte d'entrée. Voilà, comme les joueurs allaient forcément passer par la porte d'entrée et pas chercher à entrer par Ouais, une c'est ça, ouais. fenêtre. Je pense pour clôturer cette idée-là, il y a la conférence de Vivien Féasson au colloque Engagement et jeux de rôle, où en fait il montre qu'il y a une filiation entre les jeux à campagne très écrites comme Dragonlance, la campagne de Dragonlance pour Donjons et Dragons dans les années 80, et puis donc les Checkpoint Games, quoi. Il montre qu'il y a vraiment une filiation de principe, dans le sens où en fait le point commun de tous ces jeux-là, c'est que ça va, entre guillemets, limiter les initiatives des joueuses, pour le bien de l'histoire, quoi. Ouais. Pour le bien du scénario écrit à l'avance, quoi. C'est ça. Après, là où je trouve pas non plus déconnant de préparer l'histoire. Alors, j'ai pour projet de reprendre une vieille campagne très très classique que j'ai écrite dans l'univers d'Harry Potter, qui s'appelle Intrigue à Poudlard. Bon, le nom, je l'assume plus trop, mais c'est pas très grave. Elle est connue comme ça, en tout cas. Et d'essayer justement de rester dans une forme de participationnisme, c'est-à-dire où les joueurs savent que leur destin est aux mains du MJ, mais en l'épurant au maximum de toute forme de dirigisme. C'est-à-dire, comme la campagne en elle-même a un découpage dans le temps, puisque un scénario égale une année de scolarité, eh bien, on peut enfin, le MJ fait les ellipses et a la main dessus. Donc, c'est facile d'introduire une nouvelle scène à chaque fois et de laisser après aux joueurs le moyen de résoudre les situations, de résoudre les problèmes, etc. Donc, ça, c'est un projet que j'ai en ce moment. Je ne sais pas si je vais m'y mettre tout de suite parce que j'ai pas mal de jeux à finir et à publier avant. Voilà, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je suis sûr que participationnisme n'est pas égal de dirigisme. Donc je voudrais me le prouver avec ça. Ouais, puis je suppose qu'en plus, à mon avis, avec une structure type Harry Potter, tu peux annoncer des événements à l'avance, type bah, la rentrée dans une nouvelle classe, le choix pot, le match de Quidditch. Mais en fait, ça passe parce que finalement, ce script, il concerne aussi bien les personnages que les joueuses, quoi. C'est des choses auxquelles les personnages ne peuvent pas se dérober non plus. Donc, Oui, voilà, du coup, exactement. tu peux continuer à plaider pour ton personnage parce que, de toute façon, il est prévu que il participe au match du Quidditch d'une façon ou d'une autre, soit en jouant, soit en étant dans les gradins. Mais le match de Exactement. Quidditch aura lieu, quoi. Voilà, il y a des contraintes et des obligations inhérentes à la vie des personnages et à leurs conditions qui font qu'on peut facilement. Enfin, c'est logique de dire au détour d'un couloir, quelqu'un t'attaque par derrière, quoi. Parce que bah, les élèves passent beaucoup de temps à déambuler dans les couloirs. Ou alors, en effet, tel jour, vous avez classe de soins aux créatures magiques, et voilà ce qui s'y passe. Voilà. Avec évidemment le risque, si on respecte la gentilité des joueuses, c'est que elles se débrouillent pour que le match de Quidditch soit annulé ou qu'elles sèchent les cours, quoi. C'est vrai. Et du Alors, coup, ta situation que tu avais prévue peut très bien passer à la trappe. ouais. Et c'est pour ça que plus on avance dans la partie, Et moi, je pense qu'il faut prendre le risque de trop prévoir quand et comment les choses doivent se passer. Je sais pas dit que je vais y arriver, hein. Ça se Ouais, trouve, c'est de moins en moins scripté en fait. c'est un vœu pieux, mais ouais. Ouais. Alors, je voudrais juste terminer sur. Oh, on a passé beaucoup de temps sur cette question, mais on a posé des bases qui vont être utilisées après. La fin de ma question, c'était. Donc, je trouve assez courageux ta posture de réaffirmer que tu théorises avant tout tes préférences ludiques et narratives. Hein. Bon, en plus, tu nous as montré que c'était pas aussi tranché que ça. En fait, des fois, c'est juste une histoire de réglage. Et donc, la question qui était liée à ça, c'est. As-tu renoncé à produire des modèles qui seraient valables pour l'ensemble des jeux de rôle? Alors un peu, c'est-à-dire que ce que le fait de dire que je m'embrouille encore dans une tournure stupide. Alors, le but pour moi, c'est d'abord d'être le plus clair possible sur quelles sont mes préférences quand je publie un article. Ouais. C'est-à-dire que comme ça permet au moins de savoir d'où je parle, quoi, et quels sont mes objectifs aussi. Après, j'avais écrit un article qui s'appelait Qu'est-ce qui n'est pas du jeu de rôle, il y a pas mal d'années, où j'essayais de définir le jeu de rôle un peu en prenant à rebrousse-poil, quoi, ou à contre-pied le principe de base en disant, bon ben. Voilà, il y a des principes du théâtre qui ressemblent au jeu de rôle. Et quand est-ce qu'on est dans l'un et quand est-ce qu'on est dans l'autre? Et en fait, cet article, quand je l'ai publié, il était déjà obsolète parce que ben, j'ai oublié de parler du jeu de rôle solo. À l'époque, je ne connaissais pas très bien le jeu de rôle solo, j'avais vu passer une page comme ça. Mais du coup, pour moi, le jeu de rôle solo, c'est évidemment du jeu de rôle, surtout à partir du moment où ceux qui en créent l'appellent comme ça. Et donc, mon but n'était pas de remettre en question le fait que le jeu de rôle solo soit ou pas du jeu de rôle, mais c'est que j'avais pas vraiment, ça faisait pas partie de mon monde rôliste, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, aussi large soit notre connaissance du jeu de rôle, il y aura toujours des pratiques, des créations qu'on oubliera en fait, et qui remettront en question la pertinence de notre modèle. Ouais. Donc, de là, et on peut même dire ça pour The Forge, dans le sens où il y a beaucoup de jeux. Par exemple, si on prend des jeux qui sont conçus pour jouer essentiellement en mode auteur, on se rend compte que des fois ils rentrent pas très bien dans le modèle GNS ou autre. Après, c'est pas grave, c'est que The Forge s'est fait à une époque où ce genre de jeu n'existait pas ou était très très rare, donc ça s'est développé après. Si les joueurs en mode auteur est hyper important, dans ce cas, le modèle du Big Model et du GNS sont peut-être moins pertinents que pour parler de la majorité des autres formes qui sont contenues dans le modèle. Donc, j'ai plus envie, voilà, d'aborder des choses spécifiques, quoi, voilà, ce qui est important dans ma pratique et dans ma conception du jeu de rôle et dans la création de jeu de rôle aussi, telle que je la pratique, pour pouvoir parce que typiquement, grâce au concept de mode auteur, ben, mes amis savent mieux quand un jeu risque de ne pas me plaire, en fait. Ouais, c'est ça. Et Ah du coup, ils savent aussi le corollaire. Si on plaide pour son personnage, et ben, à ce moment-là, ça risque de davantage me plaire. mais c'est vrai que ça fonctionne bien parce que moi, j'ai jamais joué avec toi et puis finalement, on a même échangé de vive voix, enfin très rarement quoi. C'est vrai. Mais je peux assez rapidement pronostiquer si un jeu va te plaire ou pas en fait. Ouais. Ah, avec une marge d'erreur bien sûr, mais Ouais, et ben disons tiens, par que exemple, ça me permet d'approcher. Ouais. j'ai eu l'occasion de jouer à un jeu qui s'appelle Sandbucket, qui est conçu par Mathieu B et Guillaume Janté. Oui. Et c'est un jeu, si je l'avais lu, j'aurais jamais joué, parce que c'est un jeu qui fonctionne avec un chrono, et on a des thèmes qu'on choisit au début de la partie, donc qui nous donne un contexte qui peut être surprenant en lui-même, hein. Et après, en fait, on raconte des scènes où la seule contrainte quasiment, si je dis pas de bêtises, c'est le chrono. Et puis en fait, la partie que j'ai faite, je me suis régalé. Alors que pour moi, ça ressemblait à un jeu en mode auteur comme je les aime pas d'habitude. Et ben pas du tout. Donc c'est ça qui est aussi formidable, c'est que quand on crée des concepts, à un moment, il faut arrêter de s'y attacher, quoi. Il faut, même si le concept de mode auteur est toujours important pour moi, ça m'a fait plaisir de voir que je me serais trompé sur ce jeu. Parce que C'est chaque ça. jeu, en fait, est différent. Chaque jeu, quand on catégorise, on tombe toujours dans le piège de. Enfin, il ne faut pas tomber dans le piège de le voir comme un absolu. Ouais, c'est ça. Il suffit que ce soit réglé un peu différemment, qu'il y ait une mécanique qui soit un peu différente, et puis peut-être même des circonstances. Oui. Aussi, c'est évidemment l'état dans lequel on va. Si on est fatigué ou en forme quand on fait une partie, ça va, par exemple, ça peut. Ou si on est avec des personnes avec qui on est en confiance, ça peut aussi beaucoup changer l'expérience, quoi. C'est vrai. Bon, voilà, est-ce qu'on a fait le tour de cette question? Ouais, je pense qu'il est largement temps de passer à la question 2. Tu as déjà un petit peu Ouais. répondu, mais je vais quand même te piquer dessus. La question, c'était, te sens-tu héritier de la forge? Et je vais poser les trois questions, enfin le tout d'un bloc, et puis tu pourras découper si tu veux. Te sens-tu héritier de la forge? Si oui, as-tu certaines divergences avec le corpus initial? Alors quand je dis corpus initial, je pense à la théorie 101, c'est-à-dire surtout les articles qui sont sortis sur PTG, PTB, avec D'accord. l'article système d'Osmater, le truc impossible avant le petit-déj, les différents articles qui décrivent la GNS. Et pour finir, tu pourras me faire redire hein, si j'en mets trop d'un coup. Penses-tu OK. que les jeux à script qu'on a un petit peu évoqués tout à l'heure, alors là je pensais surtout aux jeux les plus anciens, c'est-à-dire Fiasco, Monségur, Perfect, penses-tu que ces jeux-là sont aussi des héritiers de la Forge? Ouais, alors ouais, clairement. Alors, est-ce que je me sens héritier de la forge? Des fois, j'utilise le terme post-forgien pour parler un peu de ce qu'on a fait sur Silent Drift, les ateliers imaginaires et tous ces forums sur lesquels j'étais actif. Dans le sens où je pense qu'on est une autre étape de réflexion et de développement sur le jeu de rôle. Par contre, je reconnais que, en fait, ce que j'adore dans les théories et les jeux de The Forge, c'est la place de la systémique. C'est-à-dire d'essayer de concevoir au niveau macroscopique des choses qui vont influencer, enfin pas influencer, j'aime pas trop le terme, mais qui vont avoir un impact sur la partie. Et donc au niveau plus microscopique en quelque sorte. Donc ça, enfin bon, moi je suis marié avec une diplômée en psychologie sociale. Donc autant dire que je me suis, enfin, elle m'a ouvert assez rapidement aux questions de sciences sociales et enfin, donc c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Et donc, j'apprécie particulièrement cette approche de considérer que le cadre, le système au sens systémique, quoi, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, les conseils d'Anthroposophopée, ça fait partie du système, les techniques de MJ, ça fait partie du système, la façon dont un scénario est écrit, ça fait partie du système, etc. Et dont il est révélé aussi. Donc, ouais, donc voilà, je ne réduis pas le système aux mécaniques. Pour moi, les mécaniques, c'est une partie spécifique du système et c'est sans doute loin d'être la plus importante. Il me semble que parmi les définitions du système, on rencontre une définition du système où le système inclut aussi les joueuses, en fait. Oui, en fait, dans la définition de Vincent Baker, il distingue rule set, c'est-à-dire l'ensemble des règles, et système qui est la façon dont les règles sont mises en œuvre pendant la partie. Donc ça, c'est la définition qui est la plus répandue sur The Forge, c'est-à-dire que le système, c'est... alors, y a même un schéma qui est assez intéressant, où on a un cercle à droite qui est l'ensemble des règles. Après, on a un cercle qui se superpose à celui-là, qui est coupé en deux, c'est-à-dire les procédures... que je ne dis pas de bêtises... Alors, les deux parties qui se chevauchent parfaitement, c'est la façon dont dans la partie, les règles sont effectivement utilisées telles qu'écrites dans le bouquin. Alors, pareil, règles, c'est au sens large. Hein, et après, ce qui déborde, sur la gauche, donc, il y a les procédures... Attendez, que je ne dise pas de bêtises... Il y a les procédures qui sont... voilà, je me rappelle plus. Ben, je vais aller faire un petit tour sur Internet pour retrouver ce dont je suis en train de parler. Ça dérange pas. Pendant que tu regardes, j'ai l'impression de ce que tu dis, la première chose que tu retiendrais de la Forge, c'est finalement qu'ils aient eu une approche un peu sociologique ou en tout cas dynamique des groupes restreints. Et que c'est oui. Surtout la chose que tu conserves, l'approche que tu souhaiterais conserver de la Forge, quoi. Exactement. Alors, j'ai trouvé le bon article. Voilà, donc le cercle de gauche, lui, c'est la partie jouée. Okay, donc la partie qui se superpose parfaitement aux règles dans le bouquin, c'est donc, comme je le disais, ce qui est vraiment utilisé tel quel. Et ce qui est en dehors de ce croisement, à gauche, dans la partie jouée, il y a les décisions systématiques, c'est-à-dire de quelle façon on établit des procédures rigides pendant qu'on joue, qui ne sont pas dans le texte de jeu. Quel exemple je pourrais donner? Par exemple, que le MJ, à chaque fois qu'un joueur oublie de chercher les pièges, ben, il ne lui fait pas lancer de dé, il le fait tomber dans le piège. Donc, par exemple, ça, c'est une décision systématique. Et les décisions ad hoc, qui sont des décisions qui s'adaptent en fonction de la situation de la partie. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle situation imprévue ou pas couverte par les règles, on invente... Et en fait, et je ne sais plus pourquoi je partais là-dessus... Tu crois que ah tu oui, peux par mettre rapport à The Forge. le lien sur quelque part sur le chat pour que je Oui, puisse bien le sûr. remettre dans la biblio, puis aussi que je puisse parler en... On puisse discuter en connaissance de cause. Alors, je te le mets là. Il faut que tu, Merci, que tu c'est déroules bon. un peu vers le bas. C'est le schéma du chapitre, enfin, du Ok, chapitre à quoi ok. s'apparente la Ouais, créativité très sans bien. Ouais. compensation. Donc, le système, bah c'est tout. Enfin, c'est surtout ce qui est dans la partie jouée, puisque ce qu'on n'utilise pas dans les règles du jeu n'a aucun impact sur la partie, a priori. C'est, on peut définir le système comme ça. Voilà. Et donc, en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur The Forge, dans la conception de jeu et dans la théorisation. Pour dire un peu, ça fait trop longtemps qu'on a dédouané les créateurs de jeux pour le résultat des parties. Ça ne veut pas dire que les personnes autour de la table ne sont pas importantes, mais ça veut dire qu'avec avec des outils adaptés, on peut faire beaucoup mieux. On peut rendre les parties meilleures. Et d'ailleurs, Ron Edwards... dès le début, il a dit, si vous êtes satisfait avec votre pratique, ce que je vous dis, ça ne va pas vous intéresser. Oui, bien sûr. Si vous n'êtes pas satisfait avec votre pratique, voici ce que je vous propose. Et donc, c'est de considérer que le système est important. Mais encore une fois, le système au sens large, par exemple, pour moi, le partage de la parole dans la quai des nuages de KF, c'est un système. Bien sûr. Tout à Voilà. fait, ouais. Et parce que souvent je vois que les discussions, même, même sur le Discord des cours alternatifs, par exemple, dès qu'on parle de système, on rattache souvent ça aux mécaniques, alors que spontanément, parce qu'on est habitué à ce que système égale les règles mécaniques. Oui, c'est vrai que c'est quand même. On peut qu'on soit heureux ou malheureux, le terme système comme univers plus mécanique a fait beaucoup plus florès que le terme système comme univers mécanique plus dynamique sociale, quoi. Ouais, tout à fait. C'est comme ça, quoi. C'est la bataille du langage. On voit bien qu'il y a une version du système qui a gagné, quoi. Oui. Alors, un truc qui est, à mon avis, super important de dire sur The Forge, c'est que déjà, c'était d'un éclectisme fou, quoi. Sur ce forum, il y avait des jeux comme The Riddle of Steel, qui est un jeu très tradit, en fait. D'ailleurs, Ron Edwards a galéré à savoir s'il devait le mettre dans les jeux qui produisaient plutôt des expériences narrativistes ou plutôt simulationnistes. Et il a tranché qu'en 2009, je crois, en disant au bout d'un moment que les démarches créatives, il avait beau penser qu'elles étaient miscibles, en réalité, il n'a jamais eu de preuve de ça. Et donc, je ne sais plus s'il a classé The Riddle of Steel côté narrativiste ou côté simulationniste, mais c'est un jeu très classique dans sa forme, en fait. Il y a des jeux comme The Chabal Hiri Roach, qui est un des premiers jeux, je crois, sur The Forge de Jason Morningstar, où on joue des universitaires qui font une découverte occulte et qui deviennent tous fous, quoi. Et c'était déjà un jeu assez scripté, hein, comme il me semble. Ouais. Je ne sais plus de quand il date, mais je me rappelle que à mes débuts sur Silent Drift en 2006-2007, je crois que le jeu existait déjà. Et puis il y a aussi Apocalypse World qui est sorti en 2010, soit 2 ans, je crois, avant la fermeture du forum. Tout ça, c'est forgien. Ouais. Alors que par exemple, si j'ai bien compris, Apocalypse World, on s'éloigne de ce qui semblait être au départ quand même un paradigme du jeu spécialisé, quoi. Apocalypse World, il commence à être moins spécialisé que les premiers jeux qui sont sortis sous le, entre guillemets, le label du forum de la Forge, quoi. Ouais. Alors oui, mais en fait, il y en a toujours eu. Sorcerer, c'est pas un jeu très spécialisé non plus, en fait. D'accord. Et c'est le porte-étendard de The Forge, quoi. Tout cas, à ses débuts. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, dans cette manière de creuser l'importance du système, il y a eu à la fois des jeux extrêmement formalisés et contraints, comme My Life with Master, enfin, c'est un bon exemple, je pense, My Life with Master, le jeu de Paul Chéguet, et des jeux beaucoup plus souples, beaucoup plus larges. En fait, à un moment, Ron Edwards a fait une distinction que je trouve intéressante. Je ne sais pas si elle est due au départ, mais il a fait un article pour expliquer comment il le voyait, entre les jeux Pervy et les jeux Vanilla. Dans les jeux, en fait, c'est en référence bien sûr au sexe SM, BDSM. Les jeux pervy sont des jeux dont la mécanique soutient la proposition créative. Et donc, Dogs in the Vineyard, c'est un jeu pervy. Je sais pas si je vais en trouver beaucoup comme ça, mais je pense que Polaris de Ben Lehman aussi. En revanche, que ce soit Apocalypse World, Sorcerer ou bien d'autres, en fait, il y a beaucoup de jeux qui sont vanilla sur The Forge. Donc plus relâchés dans leur mécanique quand même. C'est ça, c'est-à-dire que la mécanique est au mieux adaptée à la proposition du jeu, si le jeu en a une. Et au pire, ce sont des mécaniques qui ne prennent pas vraiment partie dans la construction d'une histoire, dans la construction d'enjeux ludiques ou autres. Typiquement, Sorcerer, la mécanique, c'est une tripotée de dés, on compare le plus haut avec celui de l'adversaire. Et puis voilà, et puis après, tu as des petits bonus si jamais tu as fait des efforts de roleplay, des trucs comme ça. La mécanique en elle-même, contrairement à celle de Dogs qui nous crée des dilemmes, ne soutient pas particulièrement une proposition créative ou une autre. D'ailleurs, elle a été réutilisée dans Donjon de Quinton Hermnickson, qui ce jeu s'oriente plutôt vers du dungeon crawling bien ludiste, quoi. Ouais. J'avais l'impression que ce qui faisait la spécialisation de Sorcerer, c'était plus la relation que tu avais avec ton Le démon. démon et Et ouais. que c'était plutôt là où ça te resserrait un peu vers quelque chose, quoi. C'est vrai. Après, je me demande justement si c'est soutenu d'une façon mécanique ou si c'est juste un élément de jeu un peu flottant. Mais c'est vrai que c'est un élément important de la proposition du jeu, par contre. Ça, c'est Ouais. sûr. Après, il faut voir à quel point la mécanique le met dans le cœur de l'expérience ou pas du tout. Donc du coup, est-ce que du coup t'as des jeux comme Fiasco, Monségur, Perfect, qui me semblent avoir été produits par des habitués du Forum de la Forge, et Ouais. est-ce que tu dirais que c'est aussi ces trois jeux ont en commun d'être des jeux à script, hein, qu'on a. Est-ce que tu dirais que c'est aussi des héritiers de la Forge, du coup, Pour moi, évidemment, parce que même si moi, c'est des jeux qui ne m'attirent pas, du fait qu'ils soient très scriptés, ça reste pour moi des bourgeons du même arbre, quoi. Ouais, puis est-ce que tu penses qu'ils utilisent une partie du matériel théorique qui avait été produit notamment par la théorie 101? Alors, je ne suis pas toujours sûr. Des fois, j'ai l'impression qu'à partir de la naissance du Forum Story Game, il y a eu une volonté de s'éloigner un peu de la théorie de The Forge, ou en tout cas Ouais. de. Disons de moins se pencher dessus, même s'il y a eu quand même pas mal de discussions théoriques sur Story Game, hein, mais plus des jeux. Et Ouais, c'est donc. ça. Donc du coup, on a re-atomisé le game design en fait, jeu par jeu, plutôt que on a un petit peu abandonné l'idée d'un corpus global qui pouvait prescrire des façons de faire sur un peu n'importe quel jeu, quoi. Voilà, il y a eu un article de Eero Tuominen, le créateur de Zombie Cinema et d'autres jeux, qui parlait d'un petit clivage qu'il y avait eu entre on va dire les noms de The Forge et beaucoup de jeux produits sur Story Game. Mais en fait, il y a certains de ces jeux-là qui étaient produits sur The Forge aussi, donc c'est Ouais, d'accord. Ouais, pas un c'était clivage. déjà un petit peu balkanisé au départ, quoi. Ouais. Et sur le fait que la formalisation à l'extrême pouvait orienter les designs d'une façon, leur faire perdre un peu faire perdre un peu les jeux de leur complexité, tu vois, dans la production même de fiction. Est-ce que c'est l'article Pitfalls of Narrative Ouais, Techniques? Bah, c'est ça c'est notamment ça. l'article là où il explique qu'en fait, surtout les jeux à script empêchent de plaider pour son personnage, quoi. Bah ouais, Ouais. exactement. Enfin, j'ai tendance à penser que c'est un article important à lire si on veut comprendre la façon dont tu abordes le game design, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que... Ouais. Alors, Donc oui, alors je. la réponse est oui. Est-ce... Est-ce que Ok, les jeux à script super. sont aussi héritiers de la Forge? Oui, bien sûr. Parce que ce genre de jeu, avant The Forge, on n'en trouvait quasiment pas, quoi. Bien sûr, ouais. Au pire, il y avait quoi, le Baron Munchausen et je sais plus quel autre. Des trucs qui partageaient beaucoup la narration et qui sont peut-être pas si scriptés que ça, en fin de compte. Hein, Et qui mais... s'intéressait à l'histoire plus qu'au défi Voilà. technique, ouais. Et qui était un peu détaché du fait de plaider pour son personnage, ou quoi que si, Ouais, mais plus d'une manière ludique en fin de compte, c'est ça. c'est-à-dire dans une espèce de compétition dans le partage de narration ou de réussir des trucs, etc. Après, voilà, clairement, je pense qu'il y a un avant et un après The Forge et que Bien sûr. ce qu'on appelle les story games, oui, ça se voit pas, mais je fais des guillemets avec mes Ah ouais. doigts. Je pense que c'est vraiment une. C'est ouais, Des c'est branches de l'arbre forgéen, quoi. Ça, un fiasco est tout aussi finalement enfant de la forge qu'un Dogs in the Vineyard, quoi. Exactement. Ouais. Sur ce point, en fait, il y a Vincent Choupeau qui a fait un article sur l'immersion dans le jeu de rôle Grandeur Nature. Oui. Et il y a un paragraphe que je trouve lumineux où il parle du paradoxe du narrativisme. où il explique qu'en fait, dans le narrativisme, dans les personnes qui s'intéressent au narrativisme, c'est-à-dire jouer pour l'histoire, il y a en fait deux groupes de personnes aux intérêts assez contraires. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui jouent pour vivre une histoire et les personnes qui jouent pour créer une histoire. OK. Et qu'en fait, quelque part, c'était deux écoles relativement irréconciliables. Et que quelque part, on a les germes là, des différents types de jeux qui ont été créés à partir de la forge. Et puis, des jeux où on plaide pour son personnage et des jeux où on est plutôt autoriste du personnage, quoi. Alors déjà, un truc important, hein, c'est que sur The Forge, j'ai aussi bien des jeux qui soutiennent une démarche, je le formule comme ça, Oui. des jeux à proposition narrativiste que des jeux à proposition ludiste, que des jeux à proposition simulationniste. Ouais, tout comme des jeux assez fourre-tout, comme le The Riddle of Steel, c'est ça. Voilà. Ou qui ont un peu le cul entre deux chaises. En fait, par exemple, Donjon de Clinton Arnickson, Elves de Ron Edwards ou Agon de John Harper, ce sont trois jeux qui le disent même dans le texte, hein, dont le but est de jouer sur la compétition Ouais, d'abord, bien sûr. en priorité, ou le fait de relever des défis avec brio. Il y en a sans doute d'autres, hein, d'ailleurs. Je ne dis pas que j'ai une connaissance de tout le catalogue. Hein. Ouais. Et donc, ce qu'il dit est intéressant, mais j'ai l'impression que jouer pour créer une histoire sans plaider du tout pour le personnage, j'ai du mal à mettre ça dans le narrativisme, en fait. Ce serait plutôt du simulationnisme. C'est peut-être une forme de jeu à part. Ok. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles du schéma que j'avais fait pour le podcast de la Oui, cellule où on oui, oui, parlait oui. de plaider pour le personnage et tout ça et du mot d'auteur. En fait, j'ai fait une espèce de tomate qui est mûre que d'un côté au centre. Et après, il y a deux marges blanches, une marge à droite qui correspond pas mal qui correspond globalement au jeu en mode auteur, donc avec un partage de responsabilité large, mais sans chercher à plaider pour son personnage, et complètement à gauche, je sais plus si c'est Joseph Young ou Ron Edwards qui appelle ça le marionnettisme, c'est-à-dire quand on a peu de responsabilité hors du personnage, mais qu'on utilise le personnage pour des objectifs qui lui sont extérieurs. Ouais. Et en fait, pour moi, ce qui est en dehors de la tomate, donc c'est souvent un peu étrange en termes si on essaie de l'analyser d'un point de vue GNS, parce que typiquement ma partie de Perfect, j'ai eu l'impression de par moment d'essayer de raconter un joli drame autour de mon personnage, et puis par moment d'être à fond dans le pousse-pion pour essayer de gagner un conflit. Je ne sais pas si ça se mélangeait bien, mais j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de séparation un peu bizarre dans le jeu, bizarre du point de vue de ce qu'on fait avant. Et je suis même pas sûr, en fait, que du coup ces choses-là entrent vraiment dans le GNS, parce que ce sont des instants de jeu, et les instants de jeu c'est pas ce qu'analyse le GNS. Ouais. Et en plus, j'ai l'impression que c'était pas forcément très satisfaisant dans chacun de ces dans ch à chaque à chaque dans chaque dynamique que le jeu veut instaurer, si on se réfère au GNS, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression que voilà, là on échappe peut-être au GNS en fin de compte. Ah, d'accord. On est parfois plus proche du jeu de plateau et parfois plus proche de la création d'histoire sans vraiment d'attache au personnage, etc., quoi. Okay, Enfin, là. après, bon, c'est un cas un peu particulier, Oui, bien évidemment, sûr, parce parce que que là, en plus, si on prend des jeux comme Perfect, on va quand même loin dans le spectre du jeu scripté, quoi. Hein. C'est encore une fois, tout est question de réglage aussi pas mal, quoi. Et il suffit de pas grand-chose pour changer complètement la posture, quoi. oui, c'est ça. Et puis j'ai même l'impression qu'on est finalement dans un jeu très peu moral, avec un jeu comme Perfect. Et donc, Donc ouais, j'ai du mal à le mettre dans une démarche créative précise quoi. Ça m'a l'air d'être un type de jeu un peu à part quoi. Bien sûr aux théories forgiennes, hein, c'est Ouais. pas non plus que c'est quelque chose de c'est quelque chose de bizarre ou de même si j'emploie ces mots mais bizarre si on se réfère au spectre enfin au modèle théorique forgien. Ouais, c'est oui, c'est C'est pas presque ça. des jeux qui, à mon avis, qui sont faits pour qu'on trouve une autre façon de découper la patate jeu de rôle que GNS, en fait. Voilà. C'est presque une invitation à trouver des autres modèles, ouais. Ouais. Alors, si tu veux bien, je vais passer à la question suivante. On l'a un petit peu abordé quand on a parlé de la compensation, mais je voulais nous laisser une petite portion pour la soif. Quel est ton rapport à l'effort en jeu de rôle? Ah, alors, J'entends l'effort de la joueuse, hein. ouais, j'ai appris à jouer en essayant d'être un joueur performant, c'est-à-dire ou un MJ performant, c'est-à-dire si je dois bien interpréter le rôle, il faut que, enfin, j'y vais à 100%, quoi. J'essaie pas de me reposer sur. Bah, de toute façon, à l'époque, on ne pouvait pas se reposer sur grand-chose. Donc, je dirais, voilà, je considère que c'est mon job de mettre les autres dans l'ambiance, y compris quand je suis joueur. Ouais. Par exemple, j'avais un ami, enfin, j'ai un ami, j'ai toujours un ami, qui a fait sa première partie en tant que MJ. Avec le jeu Biohazard de Dino, donc Resident Evil RPG, je sais plus si c'était la version D6 ou D20, enfin bref. C'était un jeu gratuit, plutôt simple, hein. Alors lui, en tant que première partie, en tant que MJ, il a brillé, hein, franchement, il a géré son truc comme un chef. Et on était deux joueurs. Et donc, ben, dans la partie, moi, je jouais mon personnage à fond, voilà, en essayant de changer ma manière d'être pour coller à la représentation que je me faisais de mon membre je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce de trouble d'intervention qu'il y a dans le jeu vidéo, là. Ouais, donc tu faisais un réel effort d'interprétation, quoi. Voilà, ouais. Et aussi, comme la partie était des fois un peu scriptée, ben j'essayais de suivre le scénar, quoi. J'étais en mode, je ne suis pas là pour foutre en l'air le scénar non plus. Pour moi, ça fait aussi partie des efforts qu'on peut faire en tant que joueur. En tant que MJ, par exemple, ma campagne Intrigue à Poudlard, campagne Harry Potter, ben j'essaie de bien connaître mes passages un peu, enfin pas les dialogues, mais plutôt les monologues de MJ, de PNJ, quoi. Essayer de mettre l'ambiance, d'ajouter beaucoup de descriptions, voilà, de faire rêver les joueurs avec tout ça. Et en fait, plus je joue à des jeux où on sait moins à l'avance ce qui va se passer, en quelque sorte, j'ai l'impression que ces choses-là sont moins importantes, dans le sens où j'essaie moins de faire vivre une émotion à mes joueurs si je suis MJ. Mais on essaie plutôt de faire converger une fiction très malléable vers des moments forts. Tu vois, c'est moins moi qui suis responsable de ce que l'autre va vivre que tout le groupe. Ouais, Y donc. compris dans un jeu comme Demiurge avec un MJ accompagnateur, quoi, ou joueur de basse Mais dans comme dans l'exemple Stronghold de Wars. Biohazard, il y a déjà un effort collectif, puisque le MJ avait beaucoup bossé, puis toi aussi. Ouais, mais comment dire? J'ai l'impression que même si l'effort est dirigé vers les autres, par exemple quand je tente d'interpréter mon personnage d'une manière intéressante, quoi, alors que dans une partie de prosopopée, par exemple, j'ai pas l'impression d'essayer de me mettre en avant dans mes créativités. J'ai l'impression d'essayer de créer une synergie avec les autres, une synergie créative pour que la partie arrive à des endroits intéressants alors que personne ne l'a prévu. Est-ce que c'est Alors un que la peu la, partie de... la, ouais. Est-ce que c'est un peu la différence entre pédaler très fort, enfin chacun de son côté, comme dans ton premier exemple, et on va dire plutôt dans ton deuxième exemple, prosopopée par exemple, se reposer les uns sur les autres, ou Alors, s'appuyer les uns sur les autres, quoi. je vais essayer de donner un exemple que j'ai vu dans des parties de prosopopée au cours de mes innombrables parties de démo du jeu ou test. C'est que il y a certains joueurs, quand ils prennent la parole à prosopopée, tu sens qu'ils essaient de faire le truc sublime, quoi. Tu sens que vraiment ils vont pas lâcher la parole au bout de 10 minutes, hein, et que ils attendent vraiment qu'on leur donne un dé. Et ils sont vraiment en démonstration de leur savoir-faire. Ben, moi, à prosopopée, j'ai jamais joué comme ça. J'ai cherché à plutôt apporter des petits trucs intéressants, enrichir la fiction collective, essayer de tendre des perches aux autres, essayer d'avoir des petits moments de clin d'œil. Je joue pas du tout, contrairement à la partie de Biohazard. Je joue pas du tout comme ça. Je joue un peu pour voir déjà ce qui va se passer et non pas pour être dans un effort et pas pour être récompensé pour mes efforts, on peut dire ça quasiment. Est-ce qu'il y a pas là aussi là, finalement la recherche d'une certaine modération, quoi? Oui, et puis en fait, une réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps, c'est que ouais, c'est que justement, j'apprécie particulièrement quand j'ai pas besoin de me mettre en valeur, tu vois, d'être la star du moment ou la star de la partie quand on est MJ, mais plus pour créer une synergie ou une convergence de jeu pour que ce que va dire tout le monde à un moment intéresse tout le monde aussi. Je dirais, en fait, c'est un peu ce que je recherche avec mes designs pervy et mes théories systémiques, c'est-à-dire que tout le monde autour de la table joue avec une harmonisation des attentes. Enfin, ma phrase est bizarre. Faire en sorte que, en tout cas, le jeu aide à créer une convergence d'attentes autour de la table. Par exemple, dans certaines parties, quand un joueur joue une scène tout seul, les autres vont faire autre chose, vont fumer une clope, vont ou bien écoutent, mais ont l'air de s'en foutre et d'attendre que ce soit leur tour. Ben, dans ces parties, avec une harmonisation des attentes, quoi, ou une synergie créative, généralement, j'ai l'impression que tout le monde est super intéressé par ce qui se passe pour un autre joueur. Et en tout cas, moi, c'est vraiment, c'est tout le but de tout ce que j'écris et de tout ce que je crée depuis 10 ans. C'est-à-dire d'atteindre ça. D'avoir, tu vois, dans Les Cordes Sensibles, par exemple, quand on joue une scène par personnage, ben, je vois que les autres joueurs ne cherchent pas forcément, quand ils sont vraiment happés par la proposition du jeu, ne cherchent pas forcément à toujours intégrer leur personnage dans les scènes des autres. Des fois, ils écoutent juste et c'est très bien comme ça. Ils sont happés dans la scène parce que les enjeux pour le PJ les intéressent. Les intéressent soit parce que de toute façon, ça va impacter à un moment ou à un autre leur propre personnage aussi, Ouais, parce que tu as tout créé au simplement. début une relation de map assez complexe, hein, dans les cordes sensibles. Et oui, donc il y a forcément des intérêts communs, mais aussi le fait que... On est en phase dans ce qu'on cherche pour cette partie. Il n'y en a pas un qui cherche à créer du drame, alors qu'un autre cherche juste à raconter des bonnes scènes sans s'impliquer dans son personnage, tu vois. En tout cas, c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai parce que la proposition du jeu est un peu spéciale déjà, donc il y a beaucoup de joueurs qui vont pas s'intéresser à ce que le jeu propose, hein, tout simplement. Les parties des cordes sensibles en convention, c'est un peu spécial, il faut le dire. J'en ai pas fait beaucoup, beaucoup parce que j'ai vite vu qu'il fallait une complicité entre les joueurs et une recherche de quelque chose du drame humain. voilà, sans chercher à esquiver à jouer en esquivant toujours les thèmes qui nous plaisent pas, en blaguant. Après, on peut faire des blagues, hein, c'est pas non plus destructeur pour le jeu, mais voilà, c'est il y a besoin d'une connivence, quoi, et d'une complicité Ouais, et puis d'une envie en même temps, on de se peut dire dépouiller. que finalement, si la spécialisation du jeu dans cette direction, ça fait partie de ton approche système d'harmoniser les attentes, puisque déjà dès le départ, tu vas réduire le spectre d'attente qui est possible, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, corollaire, les gens qui ne sont pas intéressés par cette attente ne vont pas jouer comme le jeu le leur demande. Mais dans ce cas, je pense que c'est peut-être plus facile de s'en rendre compte, de savoir c'est pas un jeu pour moi voilà, ou bien en effet, de mettre en œuvre des comportements un peu réflexes, de tourner les choses en dérision, etc. Alors, est-ce que je peux reformuler ma question sur l'effort sur un point particulier? En fait, je pensais en fait à la fatigue. Je vais prendre un exemple. Alors, je prétends pas que vous avez les mêmes sensibilités de jeu, donc surtout je tombe complètement à côté. Hein. Mais dans le dernier podcast La Cellule là, sur la clé des nuages, donc Fabien Ilvine explique au terme de la partie. Il est vraiment fatigué en fait d'avoir dû créer autant de choses, d'avoir dû décrire autant de choses, avec finalement une aide apportée par le jeu qui était assez minimale. Et donc voilà, à la fin de la partie, il se sent fatigué et visiblement, parmi les regrets qu'il émet, c'est de ne pas avoir eu plus d'aide de la part du système pour pouvoir créer, de façon à ne pas finir la partie en fait lessivée, quoi. Est-ce que c'est des problématiques qui te parlent? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte en fait quand tu réfléchis à du game design? Alors déjà parce que j'ai bientôt 40 ans, j'ai voilà, une vie de famille, et en plus des problèmes de santé qui font que je suis très. Donc, si jamais le jeu me demande beaucoup, enfin, me fait peser tous les efforts de la partie sur moi, je sais pas si je vais pouvoir jouer jusqu'au bout, en fait. Donc, je dirais qu'il y a des jeux quand j'y joue, où j'ai l'impression qu'avec assez peu d'efforts, on arrive à faire des choses intéressantes. Tu vois, à produire quelque chose qui avance presque, qui avance pas tout seul, mais qui bon, En tout cas, dans ce cas, ça me tu as sert. déjà assez de matière au départ pour pouvoir aboutir à quelque chose d'intéressant sans toi-même fournir des Ça peut efforts être colossaux, quoi. ça. Ça peut être des enjeux qui sont efficaces, qui sont préconstruits et efficaces. Ça peut être dans la manière dont la narration est partagée entre les participants, où on peut facilement rebondir sur ce que disent les autres. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui a du mal avec le fait de créer des choses et d'amener des choses intéressantes dans les parties. Mais quand ça me semble gratuit, pour moi, c'est épouvantablement fatigant et frustrant. Tu vois, l'impression. Y a des jeux qui me donnent l'impression apporter du contenu est facile et fluide, et d'autres qui me donnent l'impression qu'on me met un pistolet sur la tempe et qu'on me dit quelque chose de cool maintenant. Et ce deuxième me dérange un peu, quoi. Ça me rend difficile pour moi le fait de créer avec les autres parce que je suis trop centré sur moi-même et ma propre capacité à apporter du contenu. Ouais, il y a cette idée d'échange qui fonctionne moins, du coup, je trouve. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui va, si je comprends bien, c'est que ce qui va te permettre d'être créatif avec un effort minimal, c'est plus des synergies que des directives que des scripts de création, en fait. Ouais, tout à fait. Après, je compare les diverses expériences que j'ai eues moi, avec voilà, dans différents contextes, et Tu vois, paradoxalement, parce qu'on est un peu livré à nous-mêmes quand même, il y a un côté un peu jeune âge, je ne sais pas trop où on va. Mais une fois qu'on l'a accepté, souvent, ben, comme on peut pas se reposer sur les autres, mais disons, on se rend compte qu'on n'est pas seul à la table à devoir apporter des choses. Et donc, il suffit des fois de rebondir, de réincorporer des choses qui ont été dites par d'autres. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans un travail d'excellence, tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ce que KF appelle la déresponsabilisation créative, c'est-à-dire que comme tu es censé, dans prosopopée, comme tu es censé faire des narrations courtes et que t'es pas censé rechercher des effets spéciaux, quoi, eh bien, tu as juste un petit morceau de la narration à apporter, donc c'est moins intimidant que de dire que ce que tu dois dire doit être crucial. Et tu vas apporter un petit morceau, tout le monde va apporter des petits morceaux, puis en fait, il y a une logique qui va se mettre en place entre les petits morceaux de façon assez naturelle, quoi. Voilà. Et en fait, Christophe Buckley parlait dans un post qu'il avait fait sur The Forge, il parlait d'un phénomène qui lui plaisait beaucoup et qui, je pense, dans certains cas, peut se raccrocher un peu au vide fertile. Bon, il va falloir expliquer le vide fertile, et là, on est mal. Bon, enfin bref, si vous ne connaissez pas le vide fertile, allez voir sur mon blog, tapez vide fertile dans le moteur de recherche. Ouais, tout à fait, ouais. C'est quand on parlait d'une fleur au bord du chemin, au début de la partie ou au milieu de la partie. Et puis à la fin de la partie, cette fleur devient quelque chose de central dans l'histoire, ou dans le monde, ou dans la résolution d'un problème. Et ça, c'est un truc qu'on voit souvent dans prosopopée. Quand on a compris ça, on se dit « Ah ben, j'ai pas besoin, en fait, de tout le temps dire des choses exceptionnelles. » Des fois, un truc aussi anecdotique que ça peut prendre une proportion soupçonnée. Ouais, c'est ça. C'est sans effort, parce que ça s'appuie un petit peu sur notre propension naturelle à créer du sens à partir des éléments qui sont déjà intervenus, quoi. Voilà. Alors, je dirais pas sans effort non plus, hein, parce que... Sans effort conscient, je dirais. Ou sans que l'effort soit la caution pour la qualité d'une proposition. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, parce que tu vas dire une proposition, peut-être que ce sera un fusil de Tchekhov, mais peut-être pas. Ouais, c'est pas grave si ça en est pas, quoi. Voilà, exactement. C'est vrai que ça ne doit pas être tout le temps hyper signifiant, quoi. Ouais. La contribution peut être en apparence anecdotique ou dérivée, au contraire même. Alors par contre, un bémol, c'est que quand on joue à prosopopée à deux, là par contre, on sent qu'il y a besoin de mouliner du cerveau, quoi. Mais en même temps, c'est quelque part, j'ai l'impression que dans tes jeux, le conseil sur le nombre de joueuses, pendant des murs chez 3 ou 4, est vraiment important, et ça fait vraiment partie du système, en fait. Ouais, on peut même jouer avec un seul joueur à des murs. En tout cas, je le conseille, j'ai eu de très bonnes parties comme ça. Mais oui, en fait, j'essaie toujours de... Ça demanderait plus d'efforts, quoi. Ouais. En fait, j'essaie toujours de baliser un peu, de dire attention, si vous jouez à plus de temps de joueurs, ça risque vous risquez de perdre en qualité de partie. Typiquement, dans Demiurge, c'est que la mécanique, elle est quand même un peu velue. Et quand elle peut être amenée à prendre de la place en jeu, si jamais tu te retrouves avec 5 joueurs ou 6 autour de la table, le jeu, il va être poussif, clairement. Hein. Donc voilà, d'où la limite supérieure. Et après, comme il n'y a pas vraiment de limite inférieure, vu qu'on peut jouer avec 1, 2, 3 ou 4 joueurs, bon, il n'y avait pas forcément besoin de mettre une limite inférieure. Donc, par contre, c'est vrai que le fait d'avoir au moins 2 joueurs, ça peut créer aussi des choses intéressantes vis-à-vis du positionnement moral. T'as des synergies qui vont pouvoir se mettre en place. Voilà. Et même des conflits entre joueurs pour lesquels le jeu fonctionne bien. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que je réfléchis toujours à ça. Par exemple, là, je bosse en ce moment sur Space Ronin, un jeu où on joue des chasseurs de primes dans le système solaire, très inspiré de Cowboy Bebop. Alors, j'ai eu plusieurs fois, coup sur coup, animé des parties avec 5 joueurs. 5 joueurs. Et alors, en fait, ça change complètement le rôle du MJ parce que je suis obligé de faire des scènes très courtes, de découper sans arrêt la partie, la fiction, pour passer d'un joueur ou d'un groupe de joueurs à l'autre. Et en fin de compte, il y a plein de choses qu'on ne peut pas vraiment explorer parce que dans le jeu, il y a des scènes enfin, j'ai appelé des scènes d'interlude, un peu en référence à Blitzstage, dans lesquelles le MJ propose, est-ce que aux joueurs, dès qu'il y a une ellipse, est-ce que vous. Soit il peut s'adresser à un joueur et lui dire, est-ce que tu as envie de faire une scène d'interlude? Il y a la liste des types de scènes suggérées sur sa fiche. Et dans ce cas, si le joueur choisit sa scène, eh ben, on peut la mettre en œuvre. Et typiquement, ça, à partir de 5 joueurs, peut-être même 4, c'est un peu limite, mais c'est impossible à placer dans le jeu. Parce qu'on ne peut pas laisser un joueur 20 minutes à jouer tout seul alors qu'il y en a 4 qui attendent autour. Ouais, et du Alors coup, là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un effet système boule de neige parce que comme tu as plus de joueuses en tant que MJ, tu as un boulot supplémentaire qui est gestion des prises de parole, donc c'est un effort supplémentaire, littéralement. oui. Et puis, tu as ce côté qu'effectivement, tu vas perdre en plus ces scènes d'interlude qui sont des scènes qui peuvent être reposantes à jouer, quoi, aussi. Et puis Sans évidemment, on perd littéralement de la substance, de l'esprit du jeu, puisqu'on perd cette rythmique de, entre guillemets, de moments de lutte alternés avec des moments d'introspection, et qui du coup va être Voilà. perdu, quoi. Donc il y a plein de C'est choses ça, qui montrent que le simple nombre de joueuses est vraiment impactant sur l'effort, et puis même sur sinon la qualité, du moins la fidélité de l'expérience de jeu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que à partir de 5 joueurs, peut-être même à partir de 4, le jeu devient beaucoup moins intimiste, beaucoup moins introspectif, beaucoup moins. On n'a plus que l'aspect un peu chasser les primes, scène d'action, même si ça reste un jeu dramatique, hein, parce que c'est un peu ma marotte, mais c'est pas ma seule marotte, mais depuis que j'ai découvert les jeux forgés et tout, c'est un truc que qui me tient à cœur et que c'est ce que je préfère en jeu de rôle. Et donc, le côté dramatique peut toujours être présent. Mais il va moins en profondeur, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, quelque part, on voit que bah, les jeux de rôle, les GN qui essayent de faire du drama avec 15 ou 30 personnes, en fait, ça repose sur des game design qui sont absolument différents, quoi, en fait. Il y a un Ouais. moment, il faut, si tu fais augmenter le nombre de joueuses, il faut entièrement revoir le game design, quoi. Voilà. Je pense bien. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec The Forge, on a commencé à voir apparaître des jeux à 2 joueurs, des jeux solo bien sûr, Là, et pareil, ton game design doit être différent, quoi. voilà. Ouais. Donc, si tu veux bien, je voudrais passer à la question suivante. Oui, je t'en prie. C'est, penses-tu qu'un jeu sans MJ, alors entre parenthèses, et non un jeu à MJ tournant, hein, donc pour le coup, j'ai le sentiment que, par exemple, un jeu comme Polaris, c'est un jeu à MJ tournant, c'est pas un jeu sans MJ. Ouais. De même, les cordes sensibles, je le vois plutôt comme un MJ tournant. Oui, aussi, moi aussi. Donc les jeux sans MJ, est-ce qu'il y a besoin que je te donne des exemples? Bah mince. En plus, je trouve que c'est assez rare les jeux sans MJ, donc j'ai mis du mal à trouver des exemples. Genre, je vais finir ma question. Penses-tu qu'un jeu sans MJ permette de plaider pour son personnage, et si oui, comment? Alors, je trouve que c'est une excellente question. Alors, bien sûr, rien que jeu sans MJ, déjà, ça peut vouloir dire des tonnes de choses, quoi. Est-ce que les nuances dans Prosopopée sont une forme de MJ? Ah là, moi j'ai tendance à dire que oui, c'est des MJ, ouais. Ok. Est-ce que dans Influenza, quand on joue sans MJ, il n'y a pas de MJ? Ou est-ce que c'est un joueur qui prend le rôle quand il interrompt la narration du joueur pour lui poser une adversité? Est-ce que à ce moment-là, il n'est pas un peu MJ, juste un petit moment, ou dans De mauvais rêves aussi, vu qu'il Ouais, y a cet Inforenza aspect et théorique. alors. Je crois que dans De mauvais rêves, il y a une. Dans De mauvais rêves, il y a la notion de. Comment de. Alors, je suis en train de le lire, donc ça se trouve, je vais dire des grosses bêtises sur le game design, mais dans De mauvais rêves, tu as une joueuse qui. enfin, à chaque tour de jeu, il y a une joueuse qui prend le rôle d'adversité. Je crois qu'ils appellent ça, le joueur adversaire. Donc c'est un peu, pour moi, je veux dire, Un peu MJ. si dans des scènes, enfin si dans des tours de jeu bien délimités, c'est une seule personne qui s'occupe de l'adversité. Bon, évidemment, le MJ fait pas que ça, gérer l'adversité, mais si on devait le caricaturer, on pourrait dire que c'est son rôle. C'est Ça un fait jeu partie MJ tournant. Ouais. Dans Inforenza, alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait, t'as la facilitatrice, qu'on appelle la confidente, hein, dans Inforenza. Si les joueuses ont des difficultés ou tout simplement rechignent, par exemple, à décrire des choses qui ne concernent pas leur personnage, elle peut effectivement prendre le contrôle du décor et des figurants, faire des conseils créatifs, gérer l'adversité. Mais en réalité, c'est vraiment décrit comme étant quelque chose qui doit être de l'ordre de l'épiphénomène. Donc, en fait, la facilitatrice, son rôle, c'est de s'effacer. Jusqu'à disparaître. Et de même, il n'y a pas. Alors, il y a des tours de jeu qui sont bien délimités, qui sont en fait des spotlights sur un personnage, puis sur un autre, puis sur un autre. Mais à l'intérieur de ces tours de jeu, la gestion, par exemple, du décor des figurants ou de l'adversité ou de décider où est-ce qu'on en est dans le temps, est-ce qu'il y a une ellipse, ainsi de suite. C'est totalement chaotique, anarchique. C'est-à-dire que pendant ton tour, ça se trouve, tu vas décrire toute seule ton personnage et le décor et les figurants, enfin vraiment faire tout. Ou alors, effectivement, entièrement déléguer ça à la joueuse en face. Ou alors, tu as une joueuse qui va commencer à interpréter un PNJ. Une minute après, c'est une autre qui va. C'est vraiment très, très décentralisé, très anarchique. Donc j'ose penser que ça mérite tout à fait l'étiquette de jeu sans MJ. Ok. Bon, en fait, c'est vrai que ce concept de jeu sans MJ, je pense qu'il est très compliqué. C'est difficile de dire. Enfin bon, c'est de répondre à ta question. Il y a aussi le MJ, enfin, il faut le GM, où tout le monde est MJ. Alors, autant dire que moins on sait. Où sont les responsabilités traditionnelles du MJ, et plus ça me semble difficile que l'on puisse plaider pour son personnage. Je pense que c'est la question de l'altérité, en fait, et de voir le personnage comme séparé du monde. Ça ne veut pas dire que quand tu as le droit de décrire le monde ou des personnages autres, tu ne peux plus plaider pour ton personnage, mais c'est quand même un frein. C'est quand même un frein. Après, ce qui se passe, c'est que, donc dans l'article que j'ai en préparation sur le mode auteur et plaider pour son personnage, le développement de l'article, c'est que, ben en fait, il y a des jeux où on fait les deux, mais généralement en alternance. Par exemple, dans les cordes sensibles, quand tu racontes une scène du passé de ton personnage, que tu es en monologue total et que tu as contrôle sur tout, ben là, tu es plutôt en mode auteur. Et après, quand tu reviens dans des scènes de développement où c'est quelqu'un qui te pose une situation avec de l'adversité, donc tu es beaucoup plus centré sur ton personnage et sur que faire dans cette situation, ben, dans une situation où on plaide pour son personnage. Et donc, en fait, les deux peuvent se nourrir dans ce genre de jeu. Mais après, je pense que le pur mode auteur est un peu exclusif avec le fait de ne pas, enfin, du fait qu'on ne plaide pas pour nos personnages dedans. Si tu me permets, là, ce que tu dis d'important, quand tu prends ton exemple des cordes sensibles aussi, Oui. c'est que finalement, ce qui est important, c'est la présence ou non d'adversité, dans le sens où dans ta scène de flashback ou d'introspection dans les cordes sensibles. Donc, comme tu dis, tu es en mode autrice, mais tu plaides toujours pour ton personnage parce qu'en fait, tu n'es pas en train d'affronter une adversité que tu aurais toi-même décrite. Tu vas explorer ton passé ou tu vas faire une scène où tu te reposes et on fait le point sur la vie de ton personnage. Il me semble que ça correspond beaucoup à ce que tu appelles toi-même l'absorption. Alors, ouais, c'est pas tout à fait de l'absorption à ce moment-là, vu que l'absorption, je pense que c'est ce qu'il y a avant le mode auteur, quoi. Ouais, même si je pense que j'ai dû me planter un peu dans la manière dont je l'expliquais dans mon article, mais l'absorption, c'est tout ce que tu vas pouvoir développer autour de ton personnage, de manière introspective ou de manière non combative, et qui reste quand même immersif en quelque sorte, tu vois. J'aime pas trop utiliser le terme, mais là, on est dans la pédagogie, donc pour le public qui ne connaîtrait pas grand-chose de ce que je développe comme théorie, ça me semble plus simple comme ça. Oui, bien sûr. Alors, après, je suis sûr qu'on peut trouver des exceptions. Hein. Typiquement, Shades de Victor Gisbert, c'est sans MJ, on raconte quasiment que des flashbacks, pas que, hein, il me semble. Enfin, il y a quand même des scènes où on revient un peu dans le présent, qui se remémorent leur passé. Enfin, il y a des petites passerelles entre les deux. Et en fait, le moment où on raconte les scènes du passé, on est en mode auteur, mais il y a une espèce d'enjeu qui se déroule sur comment on implique les autres dans ces scènes du passé, les autres joueurs, enfin les personnages de joueurs, et comment eux, après, donnent leur propre point de vue. Et donc, il y a une espèce de tension entre les deux qu'on trouve aussi dans Les petites choses oubliées, qui est inspirée de Shades. Et donc, Bah, si on on se veut rend dire, c'est un compte. peu, on plaide pour sa version des faits, donc c'est assez synonyme de plaider pour son personnage quelque part. Voilà. En fait, il y a des petites subtilités, je pense, d'expérience ou de game design qui passent par le mental ou la psychologie du personnage. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais en tout cas, Shade se débrouille pour que même si on est censé être en mode auteur, eh ben on a quand même envie de défendre le point de vue ou les intérêts de notre personnage. Ouais. C'est le glissement entre le passé et le présent qui est très subtil, qui amène un petit truc comme ça. Alors le jeu est un peu casse-gueule hein, quand même, parce que jouer en se contredisant sans arrêt les uns les autres, c'est quand même pas facile. Hein. Moi, j'y ai joué avec Fabien Ilvine, donc je pense qu'on était suffisamment de connivence pour que ça marche bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retours de partie de ce jeu qui montrent que ça marche pas pour tout le monde. Alors, à nouveau, sans doute que je simplifie à la truelle tes propos, mais j'ai l'impression que du coup, il se joue dans le fait de jouer sans MJ en continuant à PD sur son personnage. Il me semble qu'il y a notamment une importance des scènes de passé et des scènes calmes où c'est effectivement plus facile, je dirais, d'avoir un gros décor sur un gros contrôle sur le décor et les figurants, mais sans finalement. Se départir du contrôle de son personnage et sans jouer contre son perso, quoi, en quelque sorte, quoi. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu spécifique à certains jeux d'y arriver, mais que globalement, le fait de dire on est tous MJ, déjà ça c'est compliqué de plaider pour son personnage. Ça, comme tu dis, en fait, il y a le fait d'être Bah soit déjà de ne pas du tout avoir d'intérêt du personnage à défendre, soit que la façon dont. Enfin, c'est qu'on se focalise sur des choses qui sont externes au personnage, soit la mécanique résout tout sauf les actions des personnages ou leurs enjeux et leurs intérêts, soit parce que bah, on ne joue pas du tout un personnage en fait. Bah, si on jouait par exemple un monde. Oh bah là Comment du plaider coup, pour un c'est sûr. Ouais. monde? Ouais. C'est le cas par exemple de jeux comme Microscope aussi, où on joue en fait un peuple de sa naissance à sa mort. Et donc on va jouer des personnages importants de ce peuple, mais comme on n'arrête pas de changer de personnage, moi j'arrive pas à y jouer en plaidant pour eux, quoi. Tu mentionnes les cordes sensibles, non, les cordes sensibles, autant pour moi, les petites choses oubliées comme étant un jeu sans MJ où on plaide pour son perso. J'ai le sentiment qu'outre le fait que ça se passe dans le passé, une chose qui permet ça, c'est que on pourrait dire qu'il n'y a pas de PNJ, quoi. Enfin, on est vraiment focalisé sur le contrôle de son personnage, beaucoup moins que sur les PNJ. Et du coup, une piste que je vois personnellement, j'ai l'impression que les GN sans orga peuvent aussi avoir ce potentiel-là de pouvoir jouer en plaidant pour son personnage. Parce qu'en fait, dans les GN sans orga, c'est pareil, il n'y a pas de PNJ, en fait. Et donc, du coup, on est concentré sur son personnage. Alors j'avoue que le GN, je c'est un peu pour moi un truc que j'observe de loin, qui me fait des fois furieusement envie, et pour lequel je me sens pas du tout d'y prendre part. Donc en fait, je connais pas grand-chose de plus que ce que je lis sur électro-GN occasionnellement. Je vois. Donc j'aurais beaucoup de mal à faire des rapprochements, mais ce que tu me dis, je trouve ça super intéressant. Cette idée que quand on enlève le MJ dans le GN, ça produit quelque chose. Le PNJ, oui, Mais... enfin, en fait, on enlève le Oui, MJ, mais surtout, ce qui est pardon. important, c'est que du coup, dans le GN aussi, on enlève les PNJ, quoi. Eh oui, voilà. Alors dans Shades, il y a des PNJ quand même. Mais ouais, du coup, je ne sais pas si on va résoudre cette question maintenant, Oh non, mais... non, bien sûr, ouais. Oui, je pense que c'est Ça reste presque quand une même. Arlésienne. Enfin, c'est, ouais, à mon avis, c'est un gros continent noir, effectivement. Du coup, si tu veux bien, on va passer à la question suivante. Eh bien, allons-y. Oh, on a réussi à faire court sur celle-là. Bah oui, parce qu'on n'avait pas la réponse. Ah oui. Penses-tu que les joueuses qui préfèrent la posture d'actrice et celles qui préfèrent la posture d'autrice, donc là je renvoie aux postures telles que définies par Ron Edwards. Bon, je parle jamais de la posture de metteuse en scène qui est assez proche de celle d'autrice, peuvent cohabiter à une même table. Et si oui, quel genre de jeu pourrait les réconcilier? Alors, les postures de Ron Edwards, je pense qu'il ne faut pas les comprendre vraiment comme ça. En Je fait, ce sont t'écoute. des tel qu'il les présente. Alors, donc, il y a en effet auteur et metteur en scène, ou metteuse en scène, Ouais. si on féminise. Et Et donc, actrice, acteur, actrice, metteuse en scène. En fait, pour Ron Edwards, dans une partie de jeu de rôle, on n'arrête pas de passer de l'un à l'autre, en fait. oui, tout à Si par fait. exemple, alors, si je me souviens bien, parce que ça remonte un peu quand même ma lecture de ce concept, acteur, c'est quand tu joues en prenant en compte uniquement ce que ton personnage est censé savoir. Tout à fait, ouais. Auteur, c'est quand tu intègres des éléments que le personnage n'est pas censé savoir pour le Oui. faire agir d'une manière qui, ben, qui, comment dire, en le faisant agir d'une manière qui peut te permettre de créer par exemple, soit une scène plus intéressante, etc. Et metteur en scène, c'est quand je dis peut-être des bêtises, hein, mais je crois que c'est ça. Et metteur en scène, c'est quand tu peux même aller chercher, décrire des choses qui n'ont pas de lien avec le personnage lui-même, Ouais, c'est ça, le tu prends des contrôles décor. sur le décor et les figurants, ouais. Ouais. Et en fait, on se rend compte que ce ne sont pas du tout des postures exclusives au cours d'une partie. Notamment quand, par exemple, prenons un exemple, je jouais une partie Delta Green, et à un moment, on arrive dans une maison. Alors, nous, joueurs, on sait que ça va puer du cul pour nos personnages. Mais nos personnages sont des agents du FBI, ils n'ont pas encore été vraiment confrontés au surnaturel, etc. Donc, ben, théoriquement, ils sont censés y aller, quoi. Et alors moi, j'ai joué comme ça, mais un autre joueur jouait en mode hyper prudent, mais à l'extrême, quoi. Et, et en fait, c'est là où on voit, ben, que les deux approches peuvent coexister, et que même, en fait, il y a sans doute des cas de figure où on alterne. Par exemple, si à un moment mon personnage avait vu une scène et a été Alors que moi, je jouais plutôt acteur en priorité. À un moment, j'ai vu, on a tous assisté à une scène et on l'a complètement oublié après, suite à des jets de scène foireux. Et donc, on s'est dit, et si on utilisait l'hypnose, je ne sais plus si on connaissait un PNJ ou un PJ qui était capable d'hypnotiser sur mon personnage. Et à ce moment-là, on a joué une scène. Bah, nous, en tant que joueurs, on savait très bien ce qui s'était passé, en fait, vu qu'on avait vécu la scène que nos personnages avaient oubliée. Donc là, bah, le mode auteur a pris le dessus à plein, même si moi, j'avais essayé de jouer plutôt acteur le reste de la partie. Parce que je connaissais très bien la scène qu'on venait de vivre. Et donc, quand mon personnage était hypnotisé, on m'avait mis en position écartée de la table un peu sur ma chaise. Je fermais les yeux, je jouais le personnage hypnotisé et je régurgitais la scène qu'on avait déjà vécue. Donc, je n'étais pas du tout en posture d'acteur à ce moment-là. Ouais. Bref, enfin, tout ça pour préciser un petit peu les concepts de Ron Edwards. Mais. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à ta question de ce fait. Après, si on part plus sur le mode auteur et le fait de plaider pour son personnage, Ouais, je voilà, on pense peut partir qu'on a là-dessus, tenté ouais. le truc, mais ouais, Ouais, vas-y. partons là-dessus si tu veux bien. Est-ce que du coup, Ok. si on met à la table des joueuses qui préfèrent vraiment plaider pour leur personnage, bon, encore une fois, je suppose que c'est jamais des absolus, hein, on a toutes des marges de manœuvre. Et puis et sur la même table, on va mettre moitié de joueuses qui, elles, préfèrent jouer en mode autrice, c'est-à-dire qu'elles sont scénaristes de leur personnage, elles jouent pour créer de l'histoire, quitte à faire du play Toulouse. Est-ce que ça peut marcher? Alors j'ai du mal à y croire. Après, ce qui se passe, c'est que souvent, quand il y a des conflits, alors que ce soit des conflits de démarche créative autour d'une table, souvent, enfin, je dirais que dans pas mal de cas, on s'en rend pas trop compte, tu vois, ou alors j'ai vu des tables quand je jouais en association à Poitiers, où quand tu essayais de définir les attentes de chaque participante, c'était waouh, Personne ne veut la même chose. voilà. Pour autant, le jeu marchait parce que je pense que chacun était un peu centré sur lui-même, quoi, et que du coup, c'était pas très grave. Ou Et peut-être puis que il y a tout le monde d'autres met de jeux l'eau où dans son vin aussi. je sais pas si c'est possible techniquement, mais il se peut juste que on recherche tellement pas l'approbation des autres que chacun est un peu sur son truc et il se pose pas la question de ce qui se passe pour les autres. Mais j'ai aussi vu le même genre de table où avec un manque de convergence moins grave, ou alors par contre ça partait en vrille parce que il y avait un joueur qui dans sa manière de jouer faisait vraiment chier les autres, quoi. Ou alors plusieurs joueurs qui se faisaient chier mutuellement dans leur façon de jouer. Parce que ça bloquait. Ce qu'essayait de faire l'un des joueurs était nuisible pour ce que l'autre joueur essayait de produire à la table. Donc ça des fois ça partait en vrille. Ou alors le joueur le disait pas et puis s'en plaignait après la partie. Donc c'est jamais évident d'avoir une délimitation nette de ah non, là il faut faire converger les attentes. Dans le cas de ces deux modes, plaider pour son personnage ou mode auteur, eh bien j'ai l'impression que ça c'est difficile à concilier de manière générale parce que moi quand je m'attends à ce que les joueurs aient de l'empathie pour mon personnage. Si un joueur qui joue en mode auteur, je vois mal comment il peut en avoir. Tu vois? Alors, pourquoi un joueur en mode auteur, il n'y aurait pas de l'empathie pour ton personnage? Parce que le mode auteur, c'est quand même une distance. Alors, ça veut dire qu'on peut raconter une jolie histoire. On peut raconter une scène en disant « Eh, vous avez vu comme ma scène, elle claque ?» Mais ça me paraît difficile de jouer un mode auteur en s'intéressant alors, tu me diras, quand on regarde un film, on a de l'empathie pour les personnages. Ça, bon, alors que... Mais j'ai l'impression que le fait d'être... d'être actif comme ça, c'est justement prendre de la distance avec le personnage. C'est réfléchir, par exemple, un peu comme un auteur, d'où le nom de mode auteur, c'est-à-dire comment je pourrais mettre mon personnage en scène de façon à ce que ça produise un effet cool sur les spectateurs, quoi, ou sur les auteurs. Est-ce que je peux tenter une reformulation sous ton contrôle, bien sûr? Ce serait de dire que, en fait, grosso modo, les joueuses qui plaident pour leur personnage considèrent leur personnage comme une personne, le vivent comme si c'était une personne, et de facto vont aussi considérer les autres personnages comme des personnes. Elles vont se comporter en cohérence avec ça. Tandis que les joueuses en mode autrice, elles vont considérer leur personnage comme un objet ou un jouet, juste un moyen en fait, de produire de l'histoire. Oui. Et que par conséquent, elles vont aussi considérer les personnages des autres comme des jouets. Voilà, ou en tout cas, ça me semble difficile d'agir différemment à ce niveau-là, enfin de se positionner différemment à ce niveau-là dès que quelqu'un d'autre joue. Du coup, ça m'amène à la deuxième partie de la question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des jeux ou des systèmes de jeux qui pourraient arriver à réconcilier en fait ces deux profils de joueuses. Est-ce que c'est parce que finalement là on est parti un petit peu dans un jeu, on avait une réflexion un petit peu sans tout système de jeu ou peut-être avec un système très neutre quoi. Donc est-ce qu'on aurait des entre guillemets des jeux plus spécialisés qui peut-être pourraient faire l'impossible, c'est-à-dire réconcilier ces deux profils quoi. Je parlais des cordes sensibles où on alterne entre des moments mode auteur et des moments où on plaide pour son personnage. Ouais, c'est une façon de dire, chacune aura son moment qui lui convient. Mais je ne suis pas hyper convaincu parce que dans les cordes sensibles, le principe, c'est que justement, les moments en mode auteur, c'est des moments qui vont fertiliser les moments où on plaide pour son personnage, dans le sens où tout ce qu'on va construire dans un flashback, ça va servir à dire aux autres joueurs voilà les enjeux que j'ai envie d'aborder pour la suite de la partie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un essai du coup dans les cordes sensibles finalement que mettons j'amène une joueuse en mode autrice dans les cordes sensibles, bon je lui offre ses interludes où elle peut se faire plaisir entre guillemets, mais en même temps en jouant ses interludes ça va l'amener peut-être à développer de l'empathie pour son personnage plus, et du coup quand tu auras les scènes d'adversité, ben elle va se retrouver entre guillemets malgré elle investie dans son personnage un peu plus et plaider en fait pendant les scènes de... C'est-à-dire que tu forcerais, entre guillemets, les postures ? Moi, je ne le vois pas dans ce sens-là. Je pense que un joueur qui favorise le mode auteur, ça passe avant la proposition du jeu. Ouais, tu donnerais pas, tu donnes pas au jeu le, tu penses pas qu'un jeu ait le pouvoir de d'infléchir ses postures quoi. À des endroits inattendus, si on le lui permet, mais que les attentes et la façon dont un joueur ou un groupe des fois fonctionne ou a l'habitude de fonctionner, ça passe majoritairement avant les dynamiques du jeu. Ouais. Il faut que le joueur accepte le jeu, en fait. Sinon, le jeu ne peut rien produire, en fait. D'où l'idée de lâcher prise ou de catalyse. Il faut accepter de jouer dans le sens du jeu. Je n'ai jamais vu de joueur qui se retrouve à jouer d'une manière en se disant « Ah, c'est fou, c'est le jeu qui m'a fait faire ça. » Sur Inflorenza, il y a Steve J qui. Pardon. Alors, ça peut paraître avec le vide. Sur Vas-y. Inforenza, Sur c'est un Inforenza, sacré. Steve G. Il avait fait une critique d'Inforenza et il parlait de ce phénomène-là, en fait. Il trouvait assez étonnant, en fait, qu'il y avait des basculements de posture entre plaider pour son personnage et mode posture de mode autrice, quoi, qu'il le surprenait, en fait. C'est-à-dire que il disait, il y a un moment, je fabrique des enjeux pour mon personnage en pur scénariste. Et le moment d'après, je me retrouve à essayer de les défendre farouchement. Enfin, il était étonné lui-même par ce que D'accord. provoquait le jeu sur lui, quoi. Intéressant. Après, je ne Mais saurais pas te dire comment le jeu y arrive. Steve G, je pense qu'il apprécie les deux modes en fait. Oui. Donc ça, forcément, C'est ça le pas un rend plus joueur. facile, plus bon public, quoi. Voilà. Et du coup, c'est pas une problématique pour lui que de. Je crois. Hein, je parle un peu en son nom, mais D'accord, ouais. Que de On joue un basculer, peu ensemble à l'occasion, mais ouais. voilà. Enfin, il a un champ d'exploration du jeu de rôle large, quoi. Ouais, d'accord. Après, j'ai aussi l'impression que les joueurs qui n'aiment que le mode auteur, c'est quand même super rare. Hein. Enfin, vu que traditionnellement, le jeu de rôle cherche quand même plus ou moins à nous faire plaider pour nos personnages, bridant beaucoup, mais. Alors c'est peut-être je dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai l'impression que le rejet va plus de joueurs comme moi qui aiment plaider pour leur personnage, qui n'aiment pas les jeux où on ne fait que où on n'est qu'en mode auteur, plutôt que l'inverse. Je sais pas si toi t'en connais par contre, mais. Je dirais qu'en fait, je suis un peu d'accord avec toi, et en même temps, je dirais que la population de joueuses autrices va croissant parce qu'en fait, l'offre s'est étendue. D'accord. Et que comme il y a de plus en plus de jeux qui clairement sont designés vers elles. Eh bien, du coup, elles vont trouver leur plaisir. Et moi, j'ai vu des joueuses revenir vers des jeux plutôt en mode auteur, qui Ouais. étaient en fait fatiguées soit qui se seraient jamais intéressées aux autres jeux de rôle, ou soit qui en étaient fatiguées, quoi, et qui ont trouvé leur Bien sûr. plaisir dans ces jeux-là, quoi, dans ce qu'on appelle les story games, hein, notamment. Ouais, c'est très intéressant. Enfin, moi, oui, donc on peut imaginer quelqu'un qui découvre le jeu de rôle avec Fiasco, par exemple, et qui, du coup, ait beaucoup de mal à jouer à d'autres types de jeux, qui aurait du mal à jouer à Donjons Dragons ou à. Bah d'ailleurs, ce que tu dis, ça rejoint aussi un peu l'idée de on se pose de se poser la question si plaider pour son personnage ou le mode auteur, est-ce que c'est des préférences qui nous sont intrinsèques ou est-ce qu'elles sont aussi en partie dictées par notre culture ludique, par notre parcours, voire même notre culture théorique, en fait, qui prescrirait, entre guillemets, ce qui est préférable ou pas, quoi. Ouais. Alors, il y a un truc intéressant par rapport au GNS à ce niveau-là, c'est que en fait, j'ai découvert. Alors, je cherche pas à rendre le GNS scientifique, hein, mais j'ai découvert un des une théorie d'un psychologue social qui s'appelle Schultz, et je ne sais pas quel est son prénom, où en fait il explique que les problèmes au sein d'un groupe, donc il parle des groupes restreints, clairement de trois ordres. C'est qu'en fait, alors on pourrait prendre un n'importe quel épisode de Koh-Lanta pour illustrer ça. Il y a ceux qui sont là avec comme objectif premier le contrôle, je crois que c'est comme ça qu'il appelle le premier principe. Ceux qui sont là avec comme objectif premier dans le groupe, ceux qui sont là avec comme objectif premier l'affect. Donc on va voir dans Koh-Lanta ben, que quand il y a deux participants qui sont devenus amis, très proches, etc., et que tout d'un coup, au cours d'un jeu, ils sont en compétition l'un contre l'autre. Ça crée Bah, ça crée des situations dramatiques, quoi, où ils vont s'écharper, où ils vont leur amitié va se briser, etc. Et en fait, je trouve ça intéressant de me dire que ce que l'intuition qu'a eu Ron Edwards avec c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on a des attentes qui sont dues à notre personnalité, à notre vécu, à nos convictions sur la vie, etc. Et que ben quand on se retrouve dans un groupe restreint, elle se télescope avec celle des autres qui peuvent être différentes et qui sont souvent différentes d'ailleurs. Et je dis ça parce que, alors je pense pas que le mode auteur, j'allais dire la posture d'auteur, mais que le mode auteur ait plaidé pour son personnage, je suis pas sûr que ce soit aussi profond. Mais il y a forcément quelque chose d'intime chez les participants leur fait préférer l'un ou l'autre, quoi, chez un joueur. D'accord. Moi, je sais que, par exemple, j'adore le jeu de rôle. C'est vraiment l'activité qui m'épanouit, dans laquelle je m'épanouis le plus, et qui m'apporte les choses les plus intenses. Mais par exemple, les jeux de société, ça. Je trouve ça sympa, mais sans plus, quoi. J'ai pas beaucoup d'attrait. Ou même les jeux vidéo, c'est pas un truc après lequel je cours. Même si récemment, je me suis demandé si j'allais pas m'acheter une Switch ou une Wii U pour faire le dernier Zelda, là. Breath of the Wild. Mais globalement, j'ai un intérêt très limité pour les autres formes de jeux. Parce que ce qui m'intéresse vraiment dans le jeu de rôle, c'est vraiment rentrer dans le costume d'un personnage pour vivre des histoires. Tu vois, prendre une série que j'aime et me dire, allez, je vais être ce personnage maintenant. C'est un truc que je ne trouve pas ailleurs. Ouais, en faire une Et expérience assez intime, quoi. voilà. Et donc, j'ai besoin de plaider pour mon personnage. Et tous les jeux qui ne me le proposent pas me paraissent tout d'un coup beaucoup moins intéressants parce que ça ressemble plus à des jeux. Ou ça ressemble plus à des comptes interactifs. Ouais, je vois, Vu que je me suis trompé, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ouais. je pense que j'ai réussi quand même à mettre dans Prosopopée le petit truc qui fait que je ne suis pas tout le temps en mode auteur quand j'y joue. Sauf quand on est nuance, donc pseudo-MJ, parce que ça. Mais on joue quand même Mais après, pour. quand t'es MJ, tu t'acceptes finalement de changer ta posture, quoi. Enfin, le MJ, Ouais, il est alors pas tellement en posture d'auteur, quoi, la plupart du temps, quoi. Enfin. ça, c'est que pour qu'un joueur défende les intérêts de son personnage, il faut que quelqu'un les attaque. Et donc, si le MJ attaque les intérêts du personnage, mais que le joueur réagit en mode auteur, ben ça ne marche pas pour le MJ non plus, quoi. La proposition du MJ est rejetée, quoi. Lui est renvoyée à la figure, en quelque sorte. Ah oui, tu penses? Ouais, ben c'est un des trucs que je développe dans mon article. Tu vois, Mmh. les exclus. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc techniquement, une Parce posture pour un comme... joueur, Ouais, si t'attaques fan si de. t'attaques une joueuse mais qu'elle joue en play to lose, tu Voilà. t'as l'impression de C'est bosser pour rien, en fait, c'est ça? ça, exactement. Le MJ cherche à chatouiller les joueurs. Si les joueurs ne sont pas chatouilleux là-dessus, ben ça sert à rien, quoi. C'est vain. Mais pourtant, la joueuse qui joue en Play Toulouse, elle attend que le MJ lui balance l'adversité, puisque justement son but c'est de survivre la déchéance de son personnage. Donc je pense qu'elle, elle est satisfaite de ce que fournit le MJ. C'est intéressant de le voir comme ça. Je pense que ça se situe à un autre degré d'attente, en quelque sorte. C'est-à-dire que, tu vois, le MJ s'attend à respecter émotionnellement le joueur. Soit à le. Donc, si le joueur trouve ça cool mais n'est pas affecté Oui, je vois très bien, oui. Ouais. Donc, je pense que ça se situe à des niveaux d'attente qui sont un peu pas méta, mais interpersonnels, quoi. C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Alors, on est donc toujours sur la question de est-ce qu'on peut plaider pour son personnage quand on. Non, est-ce qu'on peut réconcilier les joueuses qui plaisent pour leur personnage et les joueuses qui sont en posture d'autrice? Bon, visiblement, de ce qu'on me dit, il y a quand même certaines différences fondamentales qui rendent les choses difficiles. Je me demande si, ça c'est une piste personnelle, hein, mais si quelque part la sécurité émotionnelle, toutes les techniques, les métatechniques de sécurité émotionnelle pourraient pas jouer un rôle pour au minimum empêcher par exemple que les joueuses autrices, par exemple, enfin, qu'il y ait des joueuses avec des attentes trop divergentes qui fassent subir en fait aux autres, quoi. Alors bah, moi, du coup, comme je me pose plutôt du côté de la systémique, j'essaie de résoudre le problème en amont. Ah, mais la C'est-à-dire. sécurité émotionnelle, ça peut être systémique, si tu veux. Enfin, il y a pas mal de jeux qui incluent de la sécurité émotionnelle dans leur Dans game des. design pendant en intro de partie ou pendant la partie. Bien sûr. Oui, mais ce sont des techniques. Donc, tu vois, si tu prends le big model, ça se situe plus bas dans le fonctionnement du jeu. Mais ça a forcément un impact sur le déroulement de la partie. Mais voilà, comme je disais, moi, j'essaie plutôt de résoudre les choses en amont, c'est-à-dire de proposer une expérience qui va dire, enfin, on va jouer en mode auteur ou pas. Ouais. Où on va plaider pour nos personnages, et en me disant, bah, y a des joueurs qui n'aimeront vraiment pas ça, bah, ils peuvent jouer un autre jeu. C'est ça, tu mets une barrière en haut de la falaise à l'intention de ceux pour qui ça convient pas, ouais. Ouais, très bien. Est-ce Après, que pardon. je vais pas dire dans le texte du jeu, c'est en mode auteur ou pas, mais je pense que ça se. Enfin, dans l'idéal, le lecteur comprendra où je veux en venir. Ouais. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je constate qu'on est beaucoup à utiliser un vocabulaire de game design dans les articles, tout ça. Et dans les notes d'intention, ou même dans les jeux en eux-mêmes, on ne le fait pas. On est obligé d'employer d'autres termes qui soient plus. Et oui, c'est clair. Parce que l'approche théorique. Elle est là pour créer des concepts qui permettent de réfléchir autour de la pratique, alors que je pense qu'un manuel de jeu, or il peut le faire, hein, quand on voit par exemple Sorcerer, il y a beaucoup de réflexions théoriques qui parsèment le bouquin, mais le manuel du jeu, on essaie d'aller au cœur de la boîte à outils proposée. On est moins en train d'essayer de dialoguer avec le joueur sur pourquoi ce jeu utilise telle approche ou le lecteur ou le MJ, quoi. Ouais, C'est c'est ça. l'impression que la démarche est assez différente.